radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Yo les blockbusters, bonjour à toute l'équipe et à vous, grand merci pour toutes ces émissions. Bon voilà, il en aurait tant à citer, hein, Samouraï, X-Men et tous les autres. Alors justement, en parlant des comics, je me demandais si vous pourriez pas nous proposer une petite émission sur Daredevil, qui est un de mes héros préférés, et puis alors une un peu moins connue, Jessica Jones, partie des Defenders, et voilà, bon, ciao. Bonjour, moi c'est Alexis, je téléphone de Belgique, je sais pas si ça s'entendra dans l'accent. J'écoute Blockbuster en podcast, exclusivement, donc je suis en retard. J'écoute ici ceux de fin août, début septembre. Mais, Frédéric Sigrist, je tiens à te dire que je t'aime pour tout ce que tu fais, pour les Blockbusters, tout ce qui s'ensuit, mais là où tu m'as tué, et là où j'ai décidé de téléphoner pour te déclarer ma flamme totale, c'est quand tu as répété que tout le monde se plantait avec Magnum, mais que ce n'était pas une Ferrari, mais bien une Porsche. J'adore ça. J'adore cet humour. Je suis fou de toi, Frédéric. Si tu veux m'épouser, je suis fou. Bisous. To be or not to be. Not to be. J'ai bien écouté les états généraux du cinéma français et j'ai pris une décision. Je vais sauver le cinéma français. C'est ce que j'ai dit à ma compagne cette semaine à la table du petit déjeuner, après l'interview de Léa Salamé et la chronique de Dominique Seux. Là, mon ami m'a regardé de manière stoïque et m'a dit « Oui, bah tu vas pas sauver le cinéma français en semaine, je te rappelle qu'on bosse. » Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours cet impératif de payer son loyer, nourrir ses enfants, trouver de l'essence, trouver de la moutarde, trouver un moyen d'acheter des granules sans être obligé d'hypothéquer sa maison à cause de l'envolée des prix du bois, tout ça. Ok, donc on va sauver le cinéma français samedi. Là, elle m'a regardé, elle dit « Non, samedi, c'est le seul moment où on peut faire les courses ensemble et moi, je me tape pas ça toute seule. » Ok, alors on va sauver le cinéma français dimanche. Très bien. Mais on y va comment? Parce qu'on va pas prendre la voiture, hein. On va pas se retrouver en panne sèche sur la N20 avec les gosses à l'arrière pour aller au cinéma. Ok, on va y aller en RER. Oui, mais le RER, le dimanche, il est en travaux, Frédéric. Il est remplacé par des bus de substitution. Ok, on va sauver le cinéma français en bus. Oui, Frédéric, sauf que les bus ne roulent pas cette semaine, ils ont plus d'essence. Ok, on va sauver le cinéma français en covoiturage. Même problème, Frédéric. Tu sais quoi, ma chérie? J'ai l'impression que c'était vraiment pas la bonne semaine pour sauver le cinéma français. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Hey, bet you can't guess what today is. I'm on the way to the city of Rome. Reading the good Lord's book ain't gonna do much. People been waiting for this asshole to get whacked for ages. Wait. What the fuck? They're here? For this douchebag? Ah! I hate this damn light. I can't see a thing. Oh! But they're there, ain't they? You hearing me? You can see them, can't you? I see them. They are instruments of God, descending upon his heavenly rays to earth. Oh my God! Dear Lord, grant us guidance. And keep safe the souls of our loved ones for all eternity. You look tired. Let me tuck you in. Clairement, Bayonetta est un personnage de jeu vidéo absolument mythique. Imaginez une redoutable sorcière aux cheveux noirs de plus de 2 mètres, chaussée sur des talons aiguilles en forme de pistolet, à côté desquels Rihanna et Lady Gaga passeraient pour des grandes timides. Un monument de charisme qui soumet anges et démons à des séances BDSM, tout en dégustant une sucette des lunettes sur le nez. Éloge du mauvais goût pour certains ou émancipation féminine portée à son paroxysme pour d'autres, Bayonetta, cette héroïne de jeux vidéo, a poussé la théâtralité de la sexualisation féminine comme seules des drag queens ont su le faire. À l'occasion de la sortie du troisième volet de ses aventures, j'ai voulu revenir sur l'histoire du meilleur jeu de combat jamais créé par le studio Platinum Game. Et pour ce faire, je suis entouré par Justine Boulanger. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre de l'association Women in Games France et intervenante en école de gaming à XP School. Exactement. Avec nous également pour la première fois, Nat Ali, bonjour. Alors c'est faux, c'est la troisième fois que je viens ici. Alors, j'étais pas là. Non, c'est vrai. Mais je devrais avoir une chaise brodée à France Inter. Mais bonjour. Bonjour, vous êtes streameuse et vous êtes une énorme fan de Bayonetta. Absolument. Avec nous de retour, Olivier Bénisse, bonjour. Bonjour, j'ai retrouvé le chemin. Ça vous, y est. Rappelons-le, vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter et votre chronique La Faute aux jeux vidéo, excellente chronique, est diffusée tous les mardis à 5h53. Je ne vous démentirai pas là-dessus. Pour la qualité des chroniques, évidemment. Pour les deux. Vous connaissez tout le monde, maintenant on va vous expliquer pourquoi Bayonetta commence là où Zelda, Lara Croft et la princesse Peach ne sont même pas arrivés. Pourquoi Bayonetta apparaît d'abord habillée en nonne ? Eh bien, en partie parce que sa vie normale implique qu'elle se fasse passer pour une bonne sœur pour attirer les anges et les sacrifier à son démon personnel. Mais ça, c'est juste pour l'histoire. À vrai dire, c'est surtout dû au fait que M. Kamiya ne voulait pas qu'elle apparaisse directement dans sa tenue noire habituelle, parce qu'il trouvait que ce serait moins marrant. Those assholes sure know how to get attention. Even perk the ears of the hotheads down home. You don't say. It's getting harder and harder to tell the worlds apart. Human world. Inferno. Paradiso. Who can tell the difference? Even harder with Purgatorio in the middle. Fight long enough in there and you'll really lose sight. Why the sudden interest in metaphysics? It's a balance, right? Even if some of them like messing around with the humans, we've all got a stake in the status quo. But people keep fucking around like this, the Book of Revelations is gonna look like Mother Goose. Heaven and hell are gonna go straight for each other's throats. Heaven and hell can tear each other to pieces for all I care. I've got my own problems to worry about. Something's up. Everything was a bit too bracing. And Enzo's tip makes the timing too perfect. This reeks of a setup. Someone in one of those lost memories calling you out. I got a little present for you. These babies are special. Built from an alloy the devil himself would kill to get his hands on. Don't break these, 'cause they're one of a kind. Un extrait du premier Bayonetta dans lequel on entend Rodin, doublé par Dave Fenoy, qui remet ses fameux pistolets talons aiguilles à Bayonetta, qui est doublé par la grande Elena Taylor. Et juste avant, on a entendu Mari Shimizaki, la character designer de Bayonetta, parler de la genèse de ce personnage. Et là, je me tourne vers Olivier Bénisse. Avant de parler de Bayonetta et de décrire aux auditeurs qui n'auraient peut-être pas la malchance de ne pas connaître ce personnage grandiose, on va parler du studio Platinum. D'où vient le studio Platinum ? Alors c'est un studio qui a été créé en 2006, si je ne dis pas de bêtises, oui, je vérifie ma petite fiche, c'est bien 2006, qui a été créé suite à la fin d'un autre studio qui était un sous-studio de Capcom. Donc Capcom, tout le monde connaît, c'est Resident Evil, c'est Street Fighter, c'est vraiment un énorme studio japonais. Et ils avaient une sous-section qui s'appelait Clover Studio, qui bossait sur des projets un petit peu plus décalés, notamment sur Okami, il me semble, oui, okay. Beautiful Joe aussi. Voilà, des choses un peu plus colorées, un peu plus barré, où il laissait un peu plus de liberté à des créateurs comme le fameux Hideki Kamiya dont on va reparler sans doute tout à l'heure. Et voilà, donc ce studio a été créé en 2006 par des gens après la fin de Clover qui a été fermée par Capcom et le départ du principal dirigeant de Clover Studio. Ils ont recréé un truc en gros dans l'idée de faire un petit peu ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire des choses un peu plus décalées, des projets un peu neufs, souvent pour d'autres studios, voire quasiment exclusivement pour d'autres studios. En fait, ils ont bossé pour Square Enix, pour Nintendo ensuite. En fait, on leur délègue, enfin, ils vendent des projets à d'autres gros éditeurs. Avec leurs pattes à eux, parce qu'ils ont vraiment un style très particulier, et c'est comme ça qu'ils ont abouti à Bayonetta, qui était un des premiers jeux du studio, enfin sous l'emblème Platinum Games. Et ensuite ils ont fait d'autres choses comme Vanquish, comme Metal Gear Rising Revengeance, qui est un spin-off de la série Metal Gear Solid, qui avait été, enfin, que développait au départ Hideo Kojima, mais qui finalement a jeté l'éponge et a dit je vais plutôt vous le donner, faites ce que vous voulez avec. Et ils en ont fait un truc totalement un jeu d'action où on peut couper, voilà. Ou Raiden, l'un des personnages qui apparaît dans Metal Gear Solid 2, avec son katana, un cyborg ninja espion slash torturé l'esprit, etc., peut couper ses adversaires, et en fait on peut choisir l'angle dans lequel, exactement, on les coupe, etc. On peut faire des tranches, des, oui, sashimi d'adversaires en plein combat. Et ce qui est rigolo, c'est que donc Metal Gear Solid au départ c'est un jeu d'infiltration, c'est quelque chose de très subtil avec vraiment un scénario très complexe autour d'enjeux géopolitiques et tout, et quand on leur donne Metal Gear Rising, ils disent ouais, on va faire exactement l'inverse, on va faire du Michael Bay, on va faire des explosions partout, un ninja qui découpe des gens, ça va être n'importe quoi, à la fin on se battra contre un sénateur qui se transforme en démon en métal, enfin c'est absolument n'importe quoi du début à la fin, et c'est totalement jouissif, et c'est assez symbolique. Ou alors, de ce qui c'est la vérité et on nous ment. Et on veut nous le cacher. Tous les sénateurs sont peut-être des cyborgs démoniaques. Oui, alors on va demander, je ne citerai pas de nom de sénateur, mais je pense qu'il y a très peu de sénateurs qui peuvent coller au physique du sénateur de ce jeu. Mais, moi j'ai mais pas voilà. confiance en Gérard Larcher. Voilà. Et puis ils vont bosser aussi sur des trucs un peu plus étranges par rapport à ce qu'ils font, comme Nier Automata par exemple pour Square Enix, où là ils vont bosser, alors ils vont apporter toute leur sur des cyborgs en soubrette, voilà, des cyborgs en soubrette, mais ils vont apporter tout leur savoir-faire en termes de jeux de combat et de beat'em all à quelque chose de beaucoup plus subtil en fait, dans le scénario, dans l'ambiance, dans les choses comme ça, et ça va donner quelque chose de très différent. Et voilà, et globalement c'est un studio qui malheureusement pour eux alterne entre des semi-réussites et des bides complets, en termes commercial en tout cas, c'est-à-dire que ça marche pas très bien. Ils ont toujours d'énormes succès critiques, enfin très souvent en tout cas, c'est très salé. Oui, parce qu'il faut le redire aux auditeurs, c'est à chaque fois quand même d'excellents jeux qui sont largement au-dessus du tout venant. Voilà, et qui séduisent la critique, qui marchent souvent grâce à un très bon bouche à oreille. Moi, je me souviens que le premier Bayonetta, par exemple, quand il est sorti, avait pas bénéficié d'une très très grosse promo, mais par contre, au bout de quelques années après sa sortie, il a fini par acquérir un statut culte. Et voilà, et ça a été un peu pareil pour Nier Automata, ça a été un peu pareil pour Mad World aussi sur Wii, oui, qui était un jeu complètement barré aussi qu'ils avaient fait. Et même Anarchy Reigns, que je continuerai à défendre jusqu'au bout du bout. Parce que vous êtes peut-être la dernière personne à y avoir joué, je ne sais pas. Je l'ai toujours, et en plus, j'écoute même la BO qui donne une patate de folie pour faire du globalement, sport. Globalement, ils font souvent, en termes, enfin, musicalement, ils sont très très bons aussi, Platinum Games. Ils choisissent bien les compositeurs avec qui ils bossent. Et voilà, et donc ils ont cette réputation de studio qui est respectée, vraiment très respectée dans le milieu, qui est très respectée par les joueurs, mais qui marche pas toujours, et qui a récemment fait un énorme beat, par exemple avec Babylon's Fall, où ils se sont complètement plantés avec Square Enix, au point que 6 mois après le lancement du jeu, qui est un jeu quand même pas mal basé sur le multijoueur, ils ont fermé les serveurs. Ils ont dit on arrête, ça marche pas. Voilà. Donc bon, c'est pas toujours une très bonne nouvelle, donc on espère que ça va pas signer, pas être un trop gros coup dur pour ce studio qui mérite qu'on s'y intéresse. Nathalie, est-ce que vous pouvez me dire à quel moment vous avez découvert le studio Platinum ? Avec Bayonetta, j'avais jamais entendu parler d'eux avant. Si, en fait, je crois me souvenir que, d'ailleurs, à la base, je sais pas si tu l'avais dit, c'était très proche de Resident Evil, et j'étais très très fan de Resident Evil. Et c'est vrai que je crois que c'est Hideki Kamiya, justement, qui voulait développer quelque chose de super dynamique et boxant dans Resident Evil. Et les gens lui ont dit, en fait, le problème, c'est que ton idée, elle est géniale, c'est super actif, mais ça a plus rien à voir avec Resident Evil. Et c'est comme ça qu'il a créé Devil May Cry, si je me souviens bien. Oui. Et c'est pour ça que, exactement, du coup, cette licence appartient à Capcom, parce que du coup, même si Devil May Cry, c'est complètement la patte Platinum Game, c'est-à-dire des jeux qui sont ultra bourrins, ultra jouissifs à faire, avec des personnages assez hauts en couleur et tout. C'est vraiment, la genèse de Platinum Game, il me semble, elle vient aussi de Devil May Cry et de cette volonté de faire des jeux qui sont plus dans cette patte-là. Alors, et juste pour les auditeurs, ouais, Devil May Cry, c'est un chasseur de démons, Dante, qui tient une boutique qui s'appelle Devil May Cry, les démons peuvent pleurer. Alors, dans un préquel, dans un épisode suivant, on devinera d'où vient le nom, on comprendra pourquoi il a appelé ça comme ça, mais c'est une sorte de chasseur de vampires extrêmement cool, qui se retrouve toujours qui se retrouve face à des démons très très gros, et lui il est toujours zen, et ça se caractérise aussi par une mise en scène très dynamique et très rentre-dedans. Et comme tu disais, c'est effectivement au départ ça devait être Resident Evil 3, puis ça a dû être Resident Evil 4, parce qu'ils ont fait un autre projet sur toi, et finalement ça ressemblait tellement plus du tout à l'univers Resident Evil qu'ils ont dit allez, on met un autre nom dessus et fais ce que tu veux. Mm. C'est ça. Et ouais, et du coup, moi, j'avais entendu parler de Devil May Cry, parce que les gens me disaient, ah, mais tu verrais, c'est trop bien, ça te plairait beaucoup, parce que j'adore tout ce qui est un peu histoire avec des démons et tout, ça me fait beaucoup, enfin, j'aime bien, juste, ça me passionne. Et effectivement, moi, du coup, un jour, j'ai un pote qui m'a fait, hey, mais du coup, vu que t'aimes bien tout ce qui est un peu sorcière, démon et tout ça, est-ce que tu connais Bayonetta? Et en gros, le jeu venait de sortir, et j'étais en mode, bah non, c'est quoi? Et du coup, on va dans une boutique de jeux vidéo. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, une boutique de jeux vidéo, c'est là où on achetait les jeux à l'époque, ils étaient sur des CD et tout, genre, c'était pas via Google. Donc voilà, on allait dans des boutiques de jeux vidéo et en gros il y avait des boîtes dans lesquelles on pouvait acheter les jeux physiquement. Voilà, c'était une autre époque. Et du coup voilà, moi je me souviens que j'avais acheté du coup Bayonetta sur Xbox parce qu'un pote m'avait dit bah c'est une sorcière, tu vas bien aimer. Et eh bien ce pote a changé ma vie. Je le remercie intensément. Justine Boulanger, la rencontre avec le studio Platinum, ça s'est fait avec quel jeu ? Oh, moi j'étais jeune, j'ai été traumatisée parce que le premier Resident Evil sur lequel j'ai joué c'était le 0 sur GameCube à l'époque, donc j'étais quand même un petit peu jeune et honnêtement j'ai pas de mémoire, j'y ai pas joué très très longtemps tellement les scènes de début dans le train m'ont traumatisée et surtout bah c'est ce qu'on disait, la lenteur, le fait que la caméra soit fixe parce qu'à la base c'était ça les Resident Evil. J'étais passionnée par les histoires effectivement d'horreur, il faut le dire, un peu thriller de Resident Evil, mais j'ai quand même assez cette époque vite délaissé la licence et après j'ai découvert via Okami sur PlayStation 2. Avec la déesse Amaterasu. Amaterasu, ouais. La déesse créatrice de l'univers et du soleil dans le bestiaire et la mythologie nippone. Et là, par contre, bah, effectivement, c'était tout l'opposé d'un Resident Evil. Plein de couleurs, c'était vif, c'était nerveux. Avec une patte proche de la calligraphie. Exactement. Et au niveau du dessin et du design, c'est ça. En fait, c'est pas du tout réaliste. C'est comme si on avait un artiste peintre qui s'était affalé sur son établi et qui avait dessiné l'entièreté des scènes du jeu, et je trouvais ça très très beau. Et ensuite, effectivement, j'ai découvert Bayonetta en ayant écho, voilà, ah mais c'est dans les anciens de Capcom, ils ont fait Okami, ils ont fait Resident Evil, ils ont fait Devil May Cry, auquel j'ai un petit peu joué aussi. Et je me disais, en jouant Devil May Cry, mais ils peuvent pas faire une nana comme ça, parce qu'il est vachement cool quand même, Dante, et il a alors, la classe. Alors il y a Triche, Oui. Et pour ensuite, il y a eu Lady, mais... Les personnages féminins dans Devil May Cry... Ils sont très, très hyper sexualisés et très accessoires. Oui, malheureusement. Et je me suis dit, mince, je rêverais qu'un jour, ils nous sortent un Dante, enfin une Dante, donc au féminin. Et finalement, Bayonetta est sortie et... Contre toute attente, j'ai fait volte-face et au début, je n'ai jamais acheté ce jeu car j'ai cru que justement la personnage Bayonetta était complètement hyper sexualisée et j'ai été hyper réfractaire au truc. Donc j'ai mis de nombreuses années à acheter le jeu et à finalement m'y mettre et à me rendre compte que les images qui étaient renvoyées sorties de leur contexte, encore une histoire de contexte, donnait quelque chose d'erroné, finalement. Et lorsque je me suis mise au jeu assez tardivement, parce que c'était via la Switch, en même temps que le 2 soit sorti sur Switch avec le 1, j'ai découvert la chose et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est elle, Dante au féminin, c'est Bayonetta, et c'est même encore mieux, parce qu'elle n'est pas du tout hyper sexualisée, et c'est un empowerment de la femme et du féminisme, et c'est absolument extraordinaire. Et alors là, il faut expliquer aux auditeurs pourquoi vous avez peut-être eu cette première impression avec Bayonetta, c'est que physiquement, qui est Bayonetta, Nathalie? Ah bah, je pourrais vous en parler pendant 3 heures, je vais essayer de faire concis. En gros, Bayonetta, est-ce que j'explique comment ils ont voulu la créer ou pas encore? Pas encore. Pas encore, très juste bien. Juste physiquement, alors, à quoi elle ressemble pour en que gros, les... physiquement, Bayonetta, c'est une mannequin qui fait environ 2m30, pas exactement, mais en tout cas, c'est une femme vraiment dans tous les canons de beauté qu'on pourrait imaginer, genre, elle est très grande, elle est très fine, elle a des jambes de plusieurs kilomètres, elle a une très belle silhouette, elle a des très belle forme, elle a un beau visage assez carré qui lui donne un air un peu maîtresse un peu sévère. Elle a, en tout cas dans le premier, elle a de très longs cheveux noirs qui lui font du coup une tenue extrêmement moulante et du coup le gros et une combinaison, enfin voilà. Ça ressemble à une combinaison de cuir noir. C'est ça, exactement. Genre la grosse caractéristique, j'allais dire, de Bayonetta, c'est effectivement cette tenue qui est vraiment un peu à mi-chemin entre dominatrice SM et agent spécial de terrain. C'est-à-dire que vraiment on est sur du noir extrêmement moulant. blanc qui fait des reflets un peu cuir avec des trucs dorés incrustés dedans, et elle est toujours dans des poses extrêmement lassinantes. Voilà, imaginez Black Widow et ou Emma Peel voilà dans la série Avengers, chapeau melon et bottes de cuir, puissance 10 avec des lunettes et des cheveux immenses. C'est vrai, j'ai oublié de préciser les lunettes de secrétaire. Ah, les lunettes, les fameuses lunettes. C'est les lunettes de secrétaire. C'est celles qui ont inspiré celles que je porte d'ailleurs, qui sont vraiment genre des petites lunettes carrées qui veut. En fait, alors j'ai lu cette rumeur, j'ai pas réussi à retrouver la source, donc c'est une rumeur. Mais la rumeur raconte que Bayonetta a été inspirée par une des secrétaires. Je sais plus si c'est de Capcom ou de Sega. De Sega. Et que du coup, voilà, c'était une secrétaire comme ça qui avait toujours un air très très froid, très très renfermé, mais avec voilà ces petites lunettes toutes carrées, toutes serrées, la petite bouche fermée et tout. Et c'est ce qu'aurait inspiré un peu cet air sévère de Bayonetta. Oui, parce que c'est il y a aussi cet aspect très raffiné, très lady dans sa démarche. Dans sa démarche et même dans sa voix doublée par Elena Taylor, on l'a entendu tout à l'heure, elle a un côté une mise à distance on sent que les gens autour d'elle sont une forme de piétaille voilà, ils sont pas à la hauteur. Elle est trop bien pour nous. Elle est au-dessus en fait, enfin vraiment, et ça s'entend dès l'intro qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce côté et la doubleuse la comédienne qui fait le doublage de Bayonetta le fait très bien, c'est-à-dire qu'elle a ce côté très distant, très froid, et dès qu'elle est jetée dans le feu de l'action, elle a cette espèce d'ironie hyper mordante, elle passe son temps à faire des vannes, c'est-à-dire que par rapport à Dante qui fait beaucoup de blagues justement aussi dans ses combats et tout, là elle est encore un cran au-dessus, et elle est dans la vanne humiliante pour ses adversaires. C'est l'humiliation vraiment, de ses adversaires. Elle passe son temps. C'est-à-dire qu'elle les tabasse en leur disant « je vous mets une énorme fessée ». Mais elle leur met même littéralement des fessées. Littéralement. Il faut savoir que le bestiaire de ses ennemis sont des anges, des démons. Et vraiment, quand ils apparaissent, c'est avec tout le folklore qu'on peut imaginer autour de cet univers. C'est Jean Grégorien, etc. Et elle leur fait subir, et je pense que c'est pas un hasard, absolument toutes les tortures que l'histoire a fait subir aux femmes, vierges de fer, trépanation, etc. Et il y a des séquences où elle met des fessées à des anges. Mais en plus, c'est ça qui est très fort, et c'est ça qui mène à l'incompréhension au départ, en fait, dont on parlait. C'est ce côté, donc elle est très sexualisée, donc quand on n'a pas les dialogues, le contexte, l'ambiance, le fait de la voir vraiment exploser des dizaines et des dizaines d'ennemis en claquant des doigts, on peut se dire voilà, c'est juste un truc pour attirer le chaland, et je me demande d'ailleurs à quel point c'est pas un piège ou un troll d'Hideki Kamiya lui-même, si ça c'est le côté venez petit joueur masculin ado, venez voir, il y a une femme avec des jolies formes et tout, et après cette femme passe son temps à tabasser des mecs et à tabasser au-delà de ça toutes les représentations possibles du patriarcat, tous les symboles. Il y a le symbole religieux, c'est à dire qu'elle, enfin vraiment, elle passe son temps à tabasser des anges, ça veut dire quelque chose. Comme on disait, il y a aussi la réutilisation d'instruments de torture qui étaient utilisés contre les sorcières. Il y a la guillotine, il y a la vierge de fer, il y a toutes ces choses là. Et elle les retourne contre eux, puissance 10 000, mais vraiment, elle les explose, mais vraiment littéralement, c'est à dire qu'elle se contente pas de battre ses ennemis. Les ennemis, explosent, se décomposent en morceaux et tout ça. Et tout est symbolique en fait dans Bayonetta. Il y a vraiment ce côté, amenez-moi tous les symboles du patriarcat et je vais les détruire un par un sous vos yeux, sous mes talons, quoi. Ouais, et moi c'est ce qui m'avait interpellée au début, parce qu'effectivement, sans avoir joué au jeu, en ne voyant à l'époque que les trailers, que les images, que les retours des critiques, etc. Effectivement, il y a eu de très très bonnes critiques, voire excellentes critiques, et il y a aussi eu le retour des joueurs, effectivement des joueurs masculins, qui disaient « Bayonetta est trop sexy ». Ok, mais quand on est une nana et qu'on n'a pas envie de jouer un avatar que l'on pense être hyper sexualisé, on a ma réaction que j'ai eue à l'époque, on s'en détourne et on passe à côté de quelque chose de réellement intéressant. Mais ça, c'est la différence à faire aussi entre sexualisation et hypersexualisation, qui n'est pas évidente. Si je peux me permettre un petit rappel, peut-être, pour les auditeurs. On a des personnages qui vont être sexualisés, ou effectivement, alors en ce qui concerne les femmes, parce que les hommes c'est encore différent, où la sexualité va être poussée, mise en avant, qui vont user de leur charme, de leur forme, de leur féminité, de diverses manières possibles et imaginables. Ça peut passer par les cheveux, la tenue, l'attitude, le langage, tout ce qui est côté sociologie et anthropologie d'un personnage. Et par contre, la grosse différence avec l'hypersexualisation, c'est que dans l'hypersexualisation, la femme n'est rien d'autre, et vraiment j'insiste, rien d'autre qu'un objet. Et elle est un objet de plaisir pour des hommes qui, donc dans la logique du patriarcat, sont dominants et se servent d'elle pour leur plaisir masculin et sexuel. Donc en gros, Bayonetta, clairement, quand on se met à jouer au jeu, on se rend compte que oui, elle est très sexualisée, mais elle n'est pas hyper sexualisée. Et ça, c'est la grosse différence, effectivement, qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on peut apprécier le jeu et le personnage. D'ailleurs, on peut même dire que la sexualisation de Bayonetta est son arme, en fait, oui, dans un sens. Oui, elle utilise ça. Voilà. Ça passe, on va y revenir aussi, je pense, mais par l'utilisation de ses cheveux. C'est-à-dire que tout le concept du jeu, en tout cas le concept du personnage, c'est que ses cheveux sont son arme. Oui, elle a des pistolets. Et son costume. Voilà, et son costume. Ses cheveux, en fait, constituent son costume. En vrai, elle se bat à cheveux. Voilà, elle se bat à cheveux. Ses cheveux lui permettent d'invoquer des démons gigantesques. Ses cheveux lui permettent de faire des poings énormes ou des pieds énormes quand elle finit un combo, un enchaînement de coups. Donc dans un sens, l'arme de Bayonetta, c'est sa sexualisation, c'est sa sexualité, c'est même le fait qu'elle soit une femme en fait, c'est-à-dire qu'elle est une arme parce que, enfin, elle est dangereuse parce qu'elle est une femme. Pas dans le sens danger négatif, mais dans le sens, elle se défend parce qu'elle est une femme. Ouais, c'est sa féminité qui est transformée en arme en fait, en puissance en fait. Ouais, c'est ça. Elle est puissante parce qu'elle est ultra féminine et sexualisée du coup. Et du coup, ouais, juste pour revenir sur le pourquoi en fait, on pouvait à première vue penser que Bayonetta était hypersexualisée, c'est vraiment super intéressant la campagne de com qu'ils ont faite autour de Bayonetta en fait, parce que effectivement dans l'histoire des jeux vidéo, les personnages féminins ont jamais été vraiment très bien traités, et en fait on a vraiment souvent l'habitude de, par exemple dans un RPG, donc un jeu de rôle où il y a plusieurs personnages qui partent à l'aventure pour sauver le monde, il y a souvent le héros qui est fort et qui est courageux, le sidekick du héros qui va être très drôle, un autre personnage qui va être un peu renfermé, un peu dark, etc. Et il y a toujours la fille, et son seul trait de personnage c'est la fille. Donc elle va être douce, elle va être gentille, elle va être en détresse bien évidemment, et elle va être plus ou moins sexy selon l'âge du RPG. Donc on va lui mettre des seins très en valeur, on va la mettre en bikini armor, donc littéralement une armure qui est un bikini, parce que c'est un univers d'heroic fantasy, donc elle peut être à moitié à poil, c'est pas grave, ça arrête les balles. Et en fait ça c'est vraiment l'habitude qu'on a en tant que femme dans l'univers des jeux vidéo, on a que ça tout le temps, pratiquement. Il y a en fait les personnages féminins qui ne vont pas dans ces clichés-là d'hypersexualisation sont des exceptions. Et c'est ça l'énormissime problème en fait. Et du coup effectivement maintenant quand on voit des nouveaux jeux qui vont mettre en avant des personnages féminins, on fait toujours attention à est-ce que le personnage féminin est hypersexualisé et donc elle n'est rien d'autre qu'un objet hypersexy, une paire de seins qui va être un peu en détresse, qui n'a pas de personnage, qui n'a pas de caractère, etc. Ou est-ce que ça va aller plus loin ? Et en fait c'est ça le gros défaut entre guillemets des personnages féminins de manière un peu global, c'est qu'ils n'ont pas de caractère. Ils sont là pour un but. Être le love interest du héros, être la femme en détresse ou représenter un stéréotype comme ça extrêmement inintéressant qu'on a déjà vu et revu. Et du coup, la campagne de publicité de Bayonetta, je me souviens que c'était vraiment pas incroyable. Ils avaient demandé à une cosplayeuse, par exemple, de prendre la pose de Bayonetta, puis ils avaient fait des grandes affiches d'une femme dans des positions très lassinantes, très langoureuses. Et du coup, bah juste quand on regarde ça sans contexte, on voit une femme très langoureuse sur un panneau et on se dit bah ils ont encore rien changé. Une, quoi. Voilà, encore une. Exactement, exactement. Et en fait, même effectivement, tu parlais des trailers. Bah même dans les trailers, en fait, ils ont fait exprès de nous en montrer plein en mode oh là là, regardez, elle est sexy. Elle prend des poses, machin. Et même, en fait, les images, les artworks de Bayonetta, c'est Bayonetta qui écarte les jambes sur un ange, avec la langue, elle lèche sa petite sucette de façon très, très érotique. Donc voilà, vraiment, à première vue, on se dit, bon, ça, c'est juste de l'hypersexualisation, c'est dégueulasse et c'est chiant. Et en fait, la différence majeure avec Bayonetta et tous les autres personnages, c'est qu'effectivement, là où les autres personnages féminins, en général, sont passifs et subissent ce qui leur arrive, Bayonetta, elle n'est jamais une seule seconde passive, elle est toujours active, c'est elle qui décide, c'est elle qui choisit, et on a un moment où on n'a pas cette impression de elle est à poil parce que les développeurs du jeu ont envie de la mettre à poil. On est en mode elle est à poil parce que c'est logique, parce que c'est elle qui le décide et parce que c'est comme ça qu'elle se bat. Par exemple, tu parlais effectivement de ses cheveux. Bayonetta, donc ses cheveux sont sa combinaison, et aussi quand elle invoque des démons, elle les invoque avec ses cheveux. Mais du coup, elle a plus assez de cheveux pour avoir sa combinaison. Et donc, on a Bayonetta qui se retrouve complètement nue avec juste quelques fils de cheveux qui passent devant ses seins ou ses fesses. Et donc, on a le joueur qui a cette sorcière complètement nue qui invoque une créature gigantesque. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on a du coup cette idée de regarder, elle est nue, elle est disponible, mais en fait, c'est précisément quand elle est nue qu'elle est la plus puissante parce qu'elle a un démon gigantesque derrière elle qui décapite absolument tout ce qui lui pose problème. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à la manière dont le manga Kuteone de Go Nagai, qui avait elle aussi un prototype de femme forte comme ça, mais qui se retrouvait toujours au bout d'un moment attachée par un ennemi, voilà, avec des morceaux de costume qui se déchiraient comme ça, et vraiment pour flatter le lectorat masculin. Et chez Bayonetta, en fait, ce qui est assez frappant, c'est que on a l'impression qu'elle a conscience du male gaze, mais qu'en fait, ce male gaze qu'elle va utiliser est toujours l'introduction à une énorme punition. C'est-à-dire, je sais que vous me désirez, c'est normal, je suis canon. Je le sais que je suis canon, mais en même temps, si jamais vous voyez ça, ça sera juste les derniers trucs que vous verrez avant de disparaître. Et il y a un personnage masculin, Lucas, qui est un journaliste qui est transi d'amour pour elle, mais qui n'a même pas accès à l'univers qu'elle elle perçoit. Donc parce que elle voit les anges et les démons dans un monde parallèle, mais les êtres humains normaux comme ce Lucas ne le voient pas. Et lui, en fait, n'a de cesse d'être sauvé. Et elle le traite comme un doudou. D'ailleurs, elle lui a donné le nom de son doudou. Oui. Elle chouchou. Chouchou, oui. Chouchou. Mais elle le sauve. Ouais. Et c'est vraiment mais complètement le paradigme du héros masculin qui sauve. Là, est complètement inversé. Ah bah oui, c'est limite une parodie de héros classiques masculins parce qu'il y a des moments, il part en jetant un filin en l'air. Il arrive à des moments, il essaie de faire des poses un peu comme elle, mais c'est toujours ridicule. C'est toujours ridicule. Ou à chaque fois, il arrive, il est à côté de la plaque, il comprend pas ce qui se passe. Au début, il pense même que Bayonetta est son ennemi. Vraiment pour tout. Truc, il pense qu'elle a tué son père. Enfin, il y a tout un truc et il est un peu bête. Il est pas méchant, il est juste il est un peu bête. Elle l'aime bien parce que mais ben, il y a presque ce côté animal de compagnie quoi. C'est que t'es sympa, mais des fois t'es dans mes pattes quand même, tu vois. Et vraiment, il y a des fois donc elle fait des énormes bastons contre des anges et comme tu disais, lui ne les voit pas, lui se dit elle fait n'importe quoi. Et, quand il la gêne pas. Quand il la gêne pas carrément en étant dans le passage. Enfin voilà, et il finit par comprendre sur la fin que la vraie héroïne c'est elle et il se met en retrait par rapport à ça même. Mais même de manière globale, ce qui est très intéressant en fait. Certes, il y a ce traitement-là de Bayonetta qui donc finalement n'est pas hyper sexualisé, mais il y a aussi tout le traitement des personnages secondaires qu'on retrouve dans le 1, dans le 2, on espère dans le 3. Pour faire juste une petite explication globale, on va avoir quatre personnages secondaires, on va dire, masculins. Donc là, c'est exactement l'inverse de ce que tu disais, Nat. C'est on a une héroïne en hyperpuissance absolue et on a quatre personnages, dont l'antagoniste principal, qui finalement ne servent que de personnages secondaires et de faire-valoir. Et en fait, on est exactement dans un monde diamétralement opposé de tout ce qu'on a eu l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est pas le pro-chevalier héroïque, charismatique ou l'équivalent de Dante Dante est sexualisé de manière virile. Donc, il a un long manteau rouge en cuir, il a les cheveux blancs, il a l'air hyper badass, il a les six pecs, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Il a un commencement de barbe. Voilà, c'est vraiment le sex appeal viril à son paroxysme. Et puis, le nonchalant, il me fait penser un petit peu, je ne sais pas pour ceux qui ont vu House of Dragons, au personnage de Daemon. Voilà, qui est très nonchalant, très je m'en foutiste, mais quand même, il est hyper charismatique. Bon, même si accessoirement, il est victime, enfin, il est responsable d'un féminicide, mais ça passe crème. Non, mais ça passe parce qu'il est sexy. En gros, c'est ça, oui. Dante. C'est Game of tout passe, Thrones, ouais. Dante et tout passe à partir du moment, preuve étant que le personnage est sexy, c'est pas grave. Daemon, inceste, féminicide, c'est pas grave. Mais il est beau. Voilà, il est beau. Bref, et Bayonetta, en fait, c'est elle, comme il a été dit, qui vient à la rescousse de tout le monde. C'est elle qui sauve tout le monde, c'est elle qui dégage les anges, les démons, les méchants, les pas beaux. Et en fait, on a le personnage masculin blanc stéréotypé, qui est en fait un espèce de contrebandier Enzo qui s'appelle, voilà, qui est petit, qui est un peu joufflu, si je puis dire, qui est pâteau, maladroit, qui est trouillard, enfin vraiment c'est l'opposé. C'est un mélange entre Joe Pesci et Danny DeVito. Oui, oui, oui, qui est un peu en mode mafieux, mais mafieux raté, donc qui est très drôle. On a le personnage de Rodin, qui porte très bien son nom, puisque c'est lui qui est le fabricant, notamment des armes, qu'il offre à Bayonetta, donc sculpteur, évidemment, la référence est évidente, qui est un grand type à la peau noire, grise, enfin, c'est on sait Wesley pas trop. Snipes sous stéroïdes. Ouais, voilà, il me fait penser un peu à Blade, oui. Dans le même genre, oui. Effectivement. Et on a l'antagoniste, effectivement, principal, qui, je ne dirais pas qui il est dans l'histoire, mais qui est blanc, qui est beau, c'est un sage. Et qui incarne un pouvoir religieux. Voilà, qui incarne la toute-puissance patriarcale et religieuse et soi-disant toutes les vertus liées notamment au christianisme, donc la pureté, etc. etc. La tempérance, absolument tout. Et on a ce petit Lucas qui est relégué en tout et pour tout au rang d'animal de compagnie. C'est son petit chien, son petit chat, sa petite peluche, ouais. Et vraiment, il la gêne du début à la fin et il prend des airs absolument ridicules. Et donc, dans toute l'histoire... En fait, c'est Bayonetta, tout le temps, systématiquement, qui a raison et qui a le fin mot de l'histoire. Il y a un autre personnage qui arrive à la confronter, mais on en parlera dans une deuxième partie. En attendant, on va faire une petite pause musicale, parce que quiconque a joué au premier Bayonetta connaît cette reprise de Bart Ward qui remonte à 1954 et qui a été popularisée par Frank Sinatra, titre que l'on retrouve également dans la série Evangelion d'Hideaki Anno et qui cette fois-ci est interprété par Elena Noguera. Je veux parler, bien entendu, de Fly Me to the Moon. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Personnellement, ma séquence préférée de Bayonetta ne fait en fait pas vraiment partie de l'histoire du jeu. C'est ce moment où cet ange vraiment géant qu'on appelle Bilovid arrive et kidnappe Cereza avant que Bayonetta ne débarque pour la sauver. On n'a pas voulu que Bilovid l'enlève comme un méchant basique. Au lieu de ça, on a voulu qu'il tombe involontairement amoureux d'elle et qu'il finisse par l'enlever pour l'avoir toujours à ses côtés, un peu comme dans King Kong. Alors quand Bayonetta finit par vaincre Bilovid et qu'il se fait manger par le monstre qu'elle a invoqué, on voit son cœur se casser en deux pour montrer eh bien, qu'il a le cœur brisé. On a tous beaucoup aimé travailler sur cette scène. Alors on se souvient de Bilov, de ce gros monstre qui a le cœur brisé après avoir laissé échapper la petite Cereza. Ouais, si je me souviens bien, en plus, c'est Cereza qui lui tire la langue quand il se fait bouffer. Et là, le cœur se brise. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. D'ailleurs, fun fact, ma chienne s'appelle Cereza. Donc ça m'a fait très bizarre de l'entendre là. On m'a dit, il enlève Cereza. Quoi ? Qui a fait du mal à ma chienne ? Parce que du coup, oui, elle s'appelle en l'honneur de Bayonetta. Ouais. Alors... Bayonetta, on l'a dit, doit beaucoup à Devil May Cry, mais si Dante, lui, a eu les honneurs d'adaptation sur beaucoup de supports, Bayonetta a dû être sauvé par Nintendo. Olivier Bénis, comment on explique ça? Ben c'est très étonnant et j'avoue que je ne l'explique toujours pas. Ah, moi je peux. Mais... Ah, bah alors, si tu as l'explication, vas-y. Alors, en très gros, alors je suis pas sûre à 100%, hein, c'est toi le journaliste, mais en très gros, de ce que j'ai vu, Bayonetta c'est quand même très bien vendu, mais en gros, le problème c'est que Sega et bah, du coup Platinum Game avaient beaucoup d'attentes sur Bayonetta et même si elle s'est bien vendue, bah, pour eux c'était pas assez. Ils ont estimé que c'était vraiment pas suffisant et c'est pour ça que Sega en fait les a lâchés parce qu'ils étaient en mode bah, vous nous aviez vendu un jeu qui allait se vendre magnifiquement bien et il s'est juste bien vendu. Et du coup, ça n'a pas été suffisant pour eux. Et c'est pour ça que c'est Nintendo derrière qui a dû arriver pour les aider. Et surtout, en plus, on a eu une période où, on ne va pas se mentir, Platinum Game est vraiment tombé en disgrâce. C'est-à-dire que même après Bayonetta, j'ai plus le nom de l'autre jeu qu'ils avaient Vanquish. Fait. Ouais, même après Vanquish et Bayonetta, du coup, qui étaient quand même deux jeux qui étaient vraiment, comme vous l'avez dit, toujours acclamés par la critique, mais avec des succès quand même un peu mitigés. Et il y a plein de raisons pour le succès mitigé. Des fois, c'est des campagnes de pub qui marchent pas. Des fois, c'est malheureusement du timing. Ils sortent des jeux en même temps que d'autres jeux et du coup, ils sont un peu écrasés. Et du coup, bah, il y a eu un moment où Platinum Game est vraiment tombé un peu en disgrâce et ils ont vendu leur service, comme tu disais. Ils étaient un peu en mode, on fait des jeux pour des licences. Donc, ils ont fait, par exemple, un jeu pour Legend of Korra. Pour Avatar. Oui. Pareil, la critique était bonne, mais c'était vraiment pas terrible. Enfin, ça reste un jeu de grosse licence, quoi. Alors que par contre, ils ont fait ensuite, alors, sur une console qui n'a pas fonctionné, la Wii U Wonderful 101. Oui, mais c'est pareil, en fait. Mais qui était très très bon, celui-ci. Justement, en fait, c'est pareil, mais c'est le même problème. En fait, l'exclusivité, enfin, en gros, ils ont donc sorti, par rapport à Legend of Korra et tout, ils ont fait Teenage Mutant Turtle, enfin, Tortue Ninja et tout. Bref, ils ont sorti des trucs, ça marchait pas. Et du coup, ils étaient un peu au fond du gouffre et là il y a Nintendo qui est arrivé qui leur a dit bah écoutez nous on a la Wii U qui est disponible. À la base ils devaient sortir un truc sur la Wii mais ça leur a tellement pris de temps parce que du coup justement Wonderful 101 à la base ça devait se rapprocher de Vengeful Joe si je me souviens bien. Beautiful Joe. Partie de ce que Hideki Kamiya appelle la trilogie des super-héros. C'est ça. Le dernier épisode devrait sortir l'an prochain. Non. Ouais c'est vrai. Et bah du coup normalement en fait Wonderful 101 à la base ça devait se concentrer donc sur Joe et ça devait être un peu la suite le nouveau jeu machin. Et en fait, ils ont mis tellement de temps à le développer qu'ils se sont dit, bah en fait, venez, on enlève cette idée. En fait, à la toute base, ça devait être un jeu où ils faisaient venir plein de personnages de Nintendo, tu vois. Et au final, bah ils sont tellement partis dans quelque chose de spécifique que Nintendo leur a dit, oubliez de mettre des personnages genre Mario, mettez les personnages que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 101 personnages différents. Et effectivement, là, comme pour Bayonetta 2, tu vois, c'est des jeux qui étaient super, qui ont été acclamés, mais l'exclusivité Wii U les a un peu tués parce que malheureusement, la Wii U c'est pas si bien vendu que ça. Enfin, elle s'est quand même bien vendue, mais ça restait quand même une console. Moi, par exemple, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas joué à Bayonetta, alors que Bayonetta 2, alors que Bayonetta c'est toute ma vie. Mais je n'avais pas les moyens d'acheter la Wii U et je voulais pas acheter la Wii U juste pour ce jeu malheureusement. J'ai acheté la Wii U juste pour Bayonetta. Il faut le savoir, hein. Vraiment je tiens à le dire aux auditeurs, c'est... C'est beau, non mais voilà, c'est beau. Bah moi j'avais pas les moyens, j'étais encore, tu sais, avec les parents et tout, là c'était pas le genre de dépense possible, mais en tout cas, voilà, genre la Wii U a fait beaucoup de mal, l'air de rien, à Platinum Games, parce que l'air de rien, comme c'était vraiment une exclue sur une seule et unique console, bah ça a pas rendu l'honneur, alors que oui, bah Devil May Cry, forcément, vu que c'était une licence qui inspirait beaucoup plus les investisseurs, il n'y avait pas de problème, on la sortait de partout, on savait que ça allait se vendre. Et Bayonetta, ben, on savait que ça allait se vendre, mais on n'était pas sûr que ce soit assez bien parce que voilà, on avait trop d'attentes par rapport à ce jeu. Et c'est pour ça, du coup, que ben, c'est vraiment Nintendo qui est arrivé en leur disant, ben, nous, il n'y a pas de problème, on vous prend, mais on vous prend en exclu. Et malheureusement, l'exclu a fait que bah, c'est super. C'est grâce à l'exclu que du coup, on a eu des suites. Et en vrai, c'est vraiment Nier Automata qui a permis de sortir Platinum Games de sa période de vide terrible où je vous disais, ils étaient vraiment tombés en disgrâce. Bah, c'est Nier Automata qui a vraiment réussi à sauver le studio. Et c'est grâce à Nier Automata que du coup, ils ont pu ensuite dire à Nintendo, bah regardez, on sait faire des jeux, on a les compétences. Et Nintendo leur a dit, bah pas de souci, on vous donne l'exclu pour Bayonetta 2 et pour d'autres jeux. Et c'est pour ça du coup qu'on a eu vraiment le support Wii U. Et c'est vraiment ça qui a permis au studio de remonter un petit peu la pente, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire sur plein d'autres supports en même temps, quoi. Et par rapport aussi à la popularité de ce jeu, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, qui est le gameplay, le style de jeu de Bayonetta. Ce sont pas des jeux faciles, c'est des jeux très techniques, où parce qu'on combat des multitudes d'adversaires, mais il y a un nombre de combinaisons et de possibilités qui séparent ce jeu des jeux des casual gamers, Justine Boulanger. Oui, alors ce qui est très particulier, c'est que on est dans ce qu'on appelle un beat'em all. Donc le personnage est dans une zone, dans un univers évidemment. En l'occurrence, c'est notre univers à nous, dans lequel évolue Bayonetta. Et dans le premier opus, on traverse certains pays d'Europe, dans des villes qui sont imaginaires, mais on les voit clairement situées sur les cartes. On est dans le sud de la France, proche de l'Italie, puis on part en Espagne, etc. etc. Et en fait, en termes de zone, voilà, notre personnage, pouf, arrive une fois la carte chargée dans une zone, un village, un champ, un palais, etc. etc. Et à partir de quelques pas, à peine quelques pas, on a une tripotée de monstres et les monstres vont arriver par vague, par vague, par vague. Puis ça sera des mini-boss, puis des boss et enfin arriver à la fin de cette zone, en général le boss final de la zone qui va déclencher la suite de l'histoire. Donc c'est par... ça fonctionne par chapitre, comme un livre, tout simplement. Et à chaque chapitre, on a cette même avancée. Et le principe, c'est que en termes de gameplay, on est ce qu'on appelle en vue à la troisième personne. Donc évidemment... le soin étant apporté particulièrement à l'aspect de Bayonetta, le but est de la voir se battre et de la voir dans sa belle combinaison avec ses beaux cheveux, etc., avec toute sa panoplie d'armes extraordinaires. Et le but est évidemment de terrasser et d'annihiler les ennemis les uns après les autres. Et ce qui donne aussi cette impression de superpuissance à Bayonetta, comme dans beaucoup d'autres beat'em all, c'est que c'est le nombre. Le nombre d'ennemis qui arrivent de partout est tout simplement colossal. Ensuite, les mini-boss et les boss en eux-mêmes sont d'une taille... moi, ça me faisait penser un petit peu à Shadow of the Colossus. Vraiment, il y a une impression de démesure qui est extraordinaire. Au point où on se demande, mais comment je fais, si vous voulez, pour battre ce truc. Les boss sortent de l'écran, on voit que leurs pieds, enfin. Et les séquences de combat, notamment des boss, sont très scénarisées. On va avoir plusieurs phases. Une phase sur un pont, où la caméra est bloquée. Une phase dans les airs, où il va falloir faire ce qu'on appelle des QTE. Donc, c'est-à-dire que on va avoir des phases cinématiques. Et au bon moment, il va falloir appuyer sur telle touche pour ne pas mourir et déclencher une action spéciale. C'est un système qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Moi, ça m'a fait penser surtout au premier God of War. Et le principe, en gros, c'est ça. Et en termes de gameplay pur et dur, Bayonetta se bat un petit peu à la manière de certains jeux de combat. Et c'est ça qui est hyper enrichissant aussi, c'est qu'on va avoir, comme Tekken par exemple, une touche pour les coups de poing, une touche pour les coups de pied, une touche pour les attaques à distance avec ses pistolets. Et on va pouvoir faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de combos. Il y en a vraiment pléthore, c'est impressionnant, avec trois types d'attaques. Donc les attaques de base, parce que Bayonetta étant une sorcière et étant plusieurs fois centenaire, est plus résistante, plus agile, plus forte, etc., etc. C'est un peu Hulk, mais version hyper sexualisée. Hyper plus loin sexualisée, du coup. Très sexualisée. Et on va avoir un pouvoir qui s'appelle l'envoûtement, qui lui permet, grâce à un objet qui est une montre à gousset, on va dire, de ralentir le temps pour infliger beaucoup de dégâts à ses ennemis. Quand elle évite au bon moment les attaques des adversaires. Exactement. Suite à une esquive parfaitement synchronisée. D'ailleurs, un système qui a été repris par nombre de jeux ensuite et qu'on retrouve même dans des jeux mobiles. Je pense notamment à Honkai Impact, fait par les créateurs de Genshin Impact, où vraiment tout, c'est un jeu de combat sur téléphone mobile. Et tout le système, c'est une repompe directe de Bayonetta. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle les invocations démoniaques. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va en avoir des plus petites. Elle invoque ses poings, ses talons, parfois on la voit donner des coups de talons aiguilles dans la tête des ennemis. Et les invocations vraiment gigantesques des démons avec ses cheveux, c'est là où effectivement on la voit se retrouver nue, à peine couverte, pour invoquer des trucs colossaux, qui sont pas des trucs en plus très sympathiques, on va dire, à l'œil. Ça va être des énormes araignées, ça va être un espèce de T-Rex dragon, ça va être un espèce de corbeau perroquet très noir. Et d'ailleurs, on le découvre dans le folklore de la série, ce sont des démons qu'elle soumet avec ses cheveux, mais qui n'ont pas du tout envie de la défendre parce qu'ils l'aiment bien. En fait, on se rend compte qu'elle a un pouvoir sur les créatures de l'au-delà et qui font, tiens, j'ai besoin d'un dinosaure de l'enfer, et qu'avec ses cheveux, elle en prend possession, mais qu'il n'aspire qu'à une chose, c'est se libérer de son emprise à elle aussi. Et c'est ce qui va déclencher l'histoire de Bayonetta 2. D'ailleurs, il y en a un qui va un peu se rebeller et se dire, j'ai pas très envie, moi, de combattre pour toi si je me retournais contre celle qui m'a invoqué. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'est extrêmement nerveux. En vue à la troisième personne, les ennemis arrivent de tous les côtés, et le but, c'est de caler le plus de combos dévastateurs possible. On en a parlé, parfois ce sont des coups simples, parfois ce sont des invocations démoniaques, et de temps en temps, on a des petits combos avec des instruments de torture, comme Bayonetta est une sorcière, évidemment, c'est une référence directe à ce qu'on faisait subir aux femmes, et notamment aux femmes soupçonnées d'être des sorcières au Moyen-Âge, en l'occurrence, avec la Vierge de Fer. On voit aussi la guillotine, on voit différentes techniques de torture, l'écartèlement, etc. Et parfois, elle leur donne carrément, effectivement, des fessées sur les fesses. Vraiment, il y a cet aspect dans la moindre attaque de soumission, et vraiment, on veut dégrader l'image de l'ennemi, mais vraiment le mettre plus bas que terre. D'ailleurs, elle récupère aussi, elle utilise aussi les armes de ses adversaires qu'elle peut récupérer. Elle a notamment une lance que les anges portent comme ça fièrement, dont elle se sert comme d'une barre de pole dance en massacrant les ennemis tout autour. Et par exemple, elle va récupérer aussi une trompette. Donc, parce que certains ennemis anges se battent avec des trompettes, et ben elle en fait un fusil à pompe. Bon, ben elle se dit, voilà, votre trompette, ce que j'en fais. Et il y a vraiment des touches extrêmement détaillées apportées au gameplay qui viennent renforcer, c'est ce qu'on disait, sa sensualité, son attitude lascive. Quand elle a une hache ou quand elle tire sur un levier dans les différents moments d'escalade, de découverte, où on explore les jeux entre les rares fois où on n'a pas trop d'ennemis, elle va s'enrouler complètement en mode pole dance autour d'un levier. Lorsque elle cible un ennemi, la cible, vous voyez bien ce que c'est une cible, en fait, ça sera sa bouche avec du rouge à lèvres dessus. Elle va envoyer des baisers de manière très très coquine, si je puis dire, pour briser des barrières magiques. Tout dans son attitude est très puissante, mais en même temps, mais c'est le paroxysme de la féminité poussé à un point où c'en est théâtral. Et c'est ça, et c'est too much. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai rapproché de RuPaul ou de Drag Race, parce que je trouve qu'il y a un lien direct entre Bayonetta et même tout l'ordre des sorcières de l'Umbra et la culture drag queen qui est évident. Les semelles compensées, une sorte de féminité exacerbée, mais tout est too much, mais bien fait. Oui. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a réconciliée avec la fausse image que j'avais de Bayonetta, c'est que, en fait, non. Bayonetta, finalement, moi, quand je la joue, ça me fait rire, finalement. Ça me fait plus rire que ça ne me désespère, bien au contraire. Si je peux ajouter un petit truc sur le gameplay, ce qui est intéressant, c'est que Bayonetta, c'est vraiment un héritier direct des beat'em all, des salles d'arcade, en fait, au départ, sur les principes. Donc avec, comme tu disais, une palette de coups, des boutons qui sont assez limités, il n'y a pas 30 touches à retenir, mais par contre, les combinaisons et les façons de les enchaîner sont très importants, et ça se retrouve aussi dans l'affichage à l'écran. En fait, il y a le côté très spectaculaire avec des explosions, des trucs et tout, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent à l'écran en termes de menus, d'affichage et tout. Et donc on a un petit peu ce qu'avait réinventé Devil May Cry, des scores qui grimpent, oui, la note, la fameuse plus en plus note. Une note qui augmente. Donc on finit non seulement par vouloir battre les ennemis, non seulement par vouloir les humilier, mais en plus par essayer de faire le meilleur score en le faisant. Donc essayer d'enchaîner le plus possible sans se faire toucher, de réussir des évitements au dernier moment. En fait, le jeu pousse à prendre des risques pour faire grimper un truc qui n'existe pas dans l'histoire, mais qui est le score. Mais c'est très gratifiant pour le joueur. Et vraiment, on retrouve cette espèce de sensation de l'arcade de l'époque, quoi. Voilà, pour les plus vieux d'entre nous, quand on était vraiment sur la borne et qu'on disait, faut réussir à exploser le score qui est à la oui, fin. Parce qu'en fait, il s'agit pas de battre ses adversaires. Il s'agit le véritable enjeu de Bayonetta, c'est de battre les adversaires, et celui de Devil May Cry aussi d'ailleurs, de battre les adversaires avec le plus de style possible. Donc il faut que ça soit une sorte de combo en flux ininterrompu, c'est-à-dire que dès que vous avez terminé avec un adversaire, il faut que vous ayez déjà utilisé votre pistolet pour tenir celui qui est un peu plus loin à distance, mais que la note ne baisse pas parce qu'en fait elle monte au fur et à mesure, et uniquement si vous faites des coups différent. C'est-à-dire que si vous faites ce que beaucoup de beat'em up font, toujours le même coup, votre note va rester au plus bas. Ça va stagner. Et en fait, pour qu'elle monte, il faut varier les coups, donc connaître les combinaisons, éviter à la dernière minute, mais tout en gardant le combo que vous étiez en train de faire en action, parce que il faut que vous puissiez le terminer. Et en fait, il y a un jeu comme ça de connaissances très techniques de toutes les possibilités que le gameplay offre pour créer une sorte de presque de chorégraphie dansée ininterrompue. Ce que j'allais dire, c'est on parlait de théâtre, mais il y a vraiment beaucoup de danse. En fait, dans Bayonetta. Il y a quelque chose autour de la chorégraphie, la façon de transformer en danse en fait le combat et en danse tout ce qui se passe à l'écran, et ça marche très très bien typiquement sur ce jeu. Ah bah de toute façon oui, le thème, enfin il y a un des thèmes de Bayonetta où elle dit littéralement Let's dance boy, et effectivement tout dans sa démarche, dans ses mouvements, tout est une référence à la danse, et même les postures qu'elle prend et tout. Mais du coup, juste si tout ça peut paraître très effectivement compliqué et difficile, en mode effectivement c'est un jeu qui peut être extrêmement exigeant, ils ont quand même fait une version du jeu qui est très accessible. On va avoir des combos automatiques, et en fait ça prend un aspect au jeu qui est ultra intéressant et qui fait vraiment du bien, où en fait Bayonetta va faire des trucs incroyables toute seule. Et personnellement, c'est bête, mais je trouve que ça renforce encore plus l'impression de puissance qu'elle dégage, parce que tu n'as même pas besoin d'être doué au jeu. Si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, et ben Bayonetta peut tout faire toute seule, elle peut esquiver toute seule et elle peut faire des combos de manière automatique, et du coup on se retrouve avec vraiment des, comme vous l'aviez dit, des explosions de partout sans avoir à faire le moindre effort. D'ailleurs, c'est un des rares jeux, j'en parlais hier avec toute l'équipe qui travaille sur cette émission, où on n'a pas l'impression d'incarner le personnage, c'est-à-dire qu'on ne se crée pas, on n'est pas Nathan Drake, on n'est pas Lara Croft, on a vraiment l'impression que Bayonetta, tout comme Dante finalement, sont des personnages qui ont déjà fini le jeu. Et on sait qu'ils les ont déjà terminés parce qu'ils sont beaucoup plus forts, c'était pas un problème. Et en fait, il faut juste se hisser, nous, en tant que joueurs, spectateurs, à la hauteur de leur talent, parce qu'il n'y a pas une cinématique où dès le début où elle nous prouve pas que de toute façon non, gérer 8 anges, 8 démons sur un avion de chasse, sur un train, avec un autre géant. Non. Moi, j'appelle ça un mardi. Mais il y a presque de l'ironie même envers le joueur. Il y a le côté, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vois, à un moment, réveille-toi, allez, hop, on y va, on se bat contre des anges, quoi. Ouais, et je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, les premières fois, et je me suis refait avoir la semaine dernière en jouant au jeu, je rate mes QTE. Incroyable, et ça m'a frustrée, et j'avais l'impression que le personnage m'en voulait à moi, joueuse, en mode mais qu'est-ce que tu fiches, enfin c'est pas possible, enfin moi j'y arrive, pourquoi toi tu y arrives pas, faut juste appuyer sur une touche au bon moment. Et je me sentais presque moi-même humiliée de ne pas être à la hauteur du personnage. C'est ça tout le temps. Alors je rappelle aux auditeurs, un QTE c'est un quick time event, c'est un événement contextuel durant un jeu où tout d'un coup vous devez appuyer sur des boutons qui apparaissent à l'écran précis pour que l'animation puisse se poursuivre, et en général c'est une exécution de Bayonetta. C'était très très à la mode dans les années 2000. Oui. Et alors c'est vraiment passé totalement. Enfin, tant mieux parce que c'était insupportable. Oui. Au bout d'un moment. Il y en a qui en ont un peu trop abusé. Oui. Mais ceux de Bayonetta, moi je les aime encore. Ah oui, mais parce qu'il y a un contexte. Je les aime encore assez. Mommy. Daddy. No need to be afraid, little one. The nightmare is over. Everything was just a dream. You're a strong little girl. There is nothing you cannot overcome. Mommy, did you find it? What you were looking for? Yes, I found it. So don't you worry anymore. You just keep your treasure safe too. Sweet dreams, little one. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. Bayonetta qui chante cette petite berceuse à la petite Cereza. Une petite fille avec des cheveux noirs, avec des lunettes, avec un doudou qu'elle a appelé Chichi, comme Lucas, le journaliste qui suit Bayonetta. Bon, là on va faire un spoiler, hein, parce que il y a pas grand chose à cacher. Cereza est bien évidemment Bayonetta quand elle était enfant. Et si j'en parle, c'est parce que au fil de ces deux opus de Bayonetta, bientôt un troisième, on voit aussi que le féminisme de Bayonetta n'est pas qu'une interprétation qu'on pourrait avoir de ce jeu. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très profondément inscrit dans l'ADN de ce personnage. Ce que Bayonetta, Elena Taylor, dit à Cereza enfant, c'est « tu n'as pas de raison d'avoir peur ». Tu deviendras, enfin tu es une femme courageuse, et en fait c'est aussi sur trois jeux l'histoire d'une femme qui s'accepte et s'émancipe totalement. C'est pas un hasard que si Bayonetta, qui est d'habitude aussi arrogante, aussi presque dédaigneuse du reste de ses adversaires, prend le temps de parler sur un autre ton à Cereza, l'enfant qu'elle était. Puis c'est une séquence assez forte parce qu'elle sait qu'elle va subir ce qu'elle a subi elle dans son futur, parce que c'est elle dans le passé en fait. Et donc elle vraiment le seul conseil qu'il lui donne, c'est elle essaie pas de la sauver, elle essaie pas de dire fais ça. Elle lui dit tu es une fille très forte, tu es forte en fait. C'est ça le message qu'elle lui adresse. Et voilà, il y a quelque chose de fort en fait dans cette séquence, je trouve. Et ce qui est fou, c'est que ça suit même son look. C'est-à-dire que dans le premier, Bayonetta est vraiment, pour le coup, c'était vraiment le pic de son, de sa fuck you attitude. Voilà, combinaison de cuir, etc., longs cheveux, lunettes. Mais ensuite, quand elle accepte son statut de sorcière de l'Ombra, qui est un ordre qui s'oppose aux sages de l'humaine, qui eux sont plutôt du côté des anges et sorcières de l'Ombra plutôt du côté des démons. Et notamment la rencontre avec une sorte de sœur spirituelle dont on va parler, qui s'appelle Jeanne. Dans le deuxième, elle a les cheveux courts, la même coupe que Jeanne quasiment dans le premier opus. Jeanne, elle, a les cheveux longs, la même chose que Bayonetta dans le premier. Et dans le troisième, qui va bientôt sortir, on la voit avoir la coupe de Cereza, mais adulte. Comme si, en fait, sur trois jeux, elle avait fait la paix avec ce qu'elle était, et en même temps, ce que le monde peut-être attendait d'elle, et ce que Jeanne lui a appris ensuite dans on a vraiment l'impression d'avoir physiquement une femme qui, dans sa coupe de cheveux et dans sa manière dans le vestimentaire, dans sa tenue, dit de son évolution. Je sais pas si vous l'avez vécu de la même manière, Nathalie. Si, complètement. Moi, j'étais très contente de voir qu'il lui avait refait les cheveux longs dans le 3, juste parce que les cheveux longs, en fait, c'est logique par rapport au fait que tous ses pouvoirs viennent de là, elle en fait des combinaisons et tout. Du coup, les cheveux courts dans le 2, j'étais un peu en mode, bah oui, mais du coup, sa combinaison, ça a plus de sens, comment elle invoque les démons, etc. Bien sûr, c'est de la magie, donc on se pose trop de questions. Mais en fait, ce que j'aime avec Bayonetta, c'est justement le fait que tous les éléments qu'on décrit comme étant vraiment très féminins et qui en général sont honteux, voire des aveux de faiblesse ou des aveux de superficialité, dans Bayonetta, c'est de la puissance. Par exemple, le rouge à lèvres, c'est bête, c'est du maquillage, c'est sa plus puissante arme. Voilà, sans spoiler, elle a un tube de rouge à lèvres qui est son arme la plus puissante de tout le jeu. Elle prend effectivement des belles poses, elle danse. La danse, on pourrait se dire, bah oui, bah la danse, c'est pas très impressionnant. Bah, c'est en dansant qu'elle tue absolument tout le monde. Et du coup, voilà, ses cheveux, ses très longs cheveux, qui sont donc un énorme rapport à la féminité, c'est sa plus grande puissance, entre guillemets, c'est de là dont vient pas mal de sa magie. Et du coup, je trouve ça cool, effectivement, d'avoir vu de l'évolution, parce qu'effectivement, quand elle a les cheveux courts, il y a aussi une histoire qui va avec les coiffures qu'elle porte au fur et à mesure, et une évolution. Et du coup, ouais, le fait, dans le 3, de lui avoir mis la coiffure qu'elle avait en étant enfant, moi aussi, j'ai trouvé ça ultra cool, parce que justement, on a un peu genre cette idée de cercle. Dans le premier, elle se rencontre en étant enfant, et dans le troisième, eh ben, elle a sa la même coiffure que quand elle était enfant. Et en même temps, il y a vraiment une impression de progression, parce même au niveau du gameplay. Dans le premier, quand elle invoquait des démons, elle finissait à poil, à peine couverte. Dans le 3, non seulement elle invoque des démons, mais cette fois, ils n'arrivent pas juste pour manger les adversaires et repartir. Là, elle invoque les démons et ils se battent avec elle. Et elle danse au pied des démons, mais en étant complètement habillée cette fois. Donc c'est, pour moi, c'est la preuve qu'elle a gagné encore plus de puissance. Elle a même plus besoin d'enlever ses vêtements pour invoquer ses démons gigantesques. Et elle danse à côté d'eux, vraiment en mode petite soubrette, petite pom-pom girl. Et les démons déchiquetent des cailloux. Oui, il y a quelque chose de surréaliste à voir deux monstres géants se battre dans une ville et voir une sorcière qui fait des chorégraphies de K-pop. Elle fait des petits mouvements à côté, sur des hauts talons. C'est ça. Des flingues. On a vraiment l'idée de la pom-pom girl. Et tu vois, ça, c'est quelque chose. La misogynie oblige. On a une attitude très dédaigneuse envers ça. Tu vois, genre les pom-pom girls, c'est pas des gens puissants. C'est juste des petites femmelettes qui sont là, qui dansent à côté des stades. Mais c'est pas elles les personnages principaux. Bah, eux, ils en ont fait le personnage principal. Et c'est pour ça, genre, c'est quelque chose que j'adore avec Bayonetta. C'est toujours cette idée de. On prend des choses qui, en général, sont associées à cause du patriarcat et de la misogynie à des aveux de faiblesse, à des aveux superficiels. Et on montre à quel point ils sont puissants et à quel point toute la puissance de Bayonetta tourne autour de ça, en fait. Mais ce qui est fou, Justine Bélanger, c'est que le débat qui agite un petit peu la culture de la pop musique autour de Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, finalement, tout ce qui a été fait avec le personnage de Bayonetta précédait même cette lecture aujourd'hui de l'empowerment, de l'émancipation des stars de la pop musique. Bayonetta incarnait ça déjà avant même, dès le début. Il y a cette idée-là aussi. Oui. Et puis même, on peut remonter encore un peu plus loin, hein, pardon à ceux qui sont fans, mais on peut parler de Madonna. Madonna, bien sûr. Madonna qui est vieille, hein, qui commence un petit peu à se faire vieille, bon, ça ne se voit pas. Elle essaye de faire en sorte que ça ne se voit pas ou pas trop, du moins. Et il y a, je pense aussi à des artistes comme Mylène Farmer, pareil, où c'est des monuments, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là n'est pas la question, mais ce sont des monuments effectivement féminins qui ont un style, qui ont des revendications et qui le font passer au travers de tout ça. Au travers de tous ces codes de la féminité. Moi, à l'inverse, par exemple, de toi, Nat, quand je l'ai vue avec des cheveux courts dans le 2, bon, alors vous allez me dire, je prêche ma paroisse, j'ai les cheveux courts. Mais j'étais hyper contente parce que je me suis dit, tiens, dans le 1, ils se sont servis de ces cheveux hyper longs. Quand on dit hyper long, vraiment, en termes d'image, déjà, elle a une énorme queue de cheval haute ou chignon. Ouais, les cheveux retombent à peu près jusqu'à mi-mollet, voire cheville, quand c'est pas plus long. Et dans le 2, pouf! Coupé à la garçonne, vraiment de la même manière que Jeanne avait les cheveux à la garçonne dans le premier. Et je me suis dit, tiens, hyper intéressant, c'est censé être la source de ses pouvoirs, justement ses cheveux. Mais il montre qu'en fait, oui, elle s'en sert magiquement. Mais d'une part, elle peut les couper, ça n'enlève rien à sa puissance. Oui, c'est pas Samson et Dalila. Exactement. Ouais, on peut pas lui enlever sa puissance comme ça, en fait. Voilà, ce n'est pas parce qu'elle se coupe les cheveux que, du coup, elle a moins de pouvoir. Et ce n'est pas non plus parce qu'elle se coupe les cheveux à la garçonne qu'elle est moins féminine. Mm-hmm. Et je la trouve même plus agressive dans sa féminité dans le 2 que dans le 1. Parce que dans le 1, après tout, les joueurs découvraient aussi le personnage. Dans le 2, on commence à avoir l'habitude et on en met des couches et des couches et des couches. Il faut aussi savoir que, par exemple, en termes de scénario, les jeux sont tous des boucles. À suivre avec le 3, mais dans le premier, on commence avec une scène d'enterrement dans un cimetière, ça finit avec une scène d'enterrement dans un cimetière, en reverse, parce que au début, il pleut, c'est triste, etc. À la fin, c'est joyeux, il y a des fleurs partout. Dans le 2, c'est pareil, ça commence par une scène, là encore, symbole dit de féminité stéréotypée, c'est Bayonetta qui fait du shopping à New York, ou du moins dans une ville qui a l'air très américanisée. Dans une tenue qui n'est pas sans évoquer Lady Dimitri. Exactement. Qui fait penser à elle, justement. Donc Lady Dimitrescu, pardon pour l'accent, qui est un... Oui, j'avais déjà commencé à lui faire un sort à ce mot-là. Donc, oui. qui est une des antagonistes de Resident Evil, on y revient, Village, et qui est aussi incarne une sorte d'empowerment, vraiment elle très très très poussée BDSM, encore plus que Bayonetta, parce qu'elle, elle se prend au sérieux, et elle est tout de blanc vêtue, dans une élégance presque des années 30, en fait, avec un grand chapeau, une robe avec blanche. Un physique de culturiste. Et un physique très imposant, ouais. Comme Bayonetta, elle est très très grande, donc effectivement, et c'est une dominatrice en puissance. Donc effectivement, il y a un rapprochement clair et net à faire. Et dans le 3, avec le trailer qu'on a vu, effectivement, elle revient à sa coiffure de quand elle était petite, avec ses espèces de grandes boucles couettes sur les côtés, avec ses rubans rouges dans les cheveux. Et c'est hyper intéressant parce qu'on se dit, bah tiens, finalement, la boucle est vraiment bouclée sur l'ensemble des 3 jeux. C'est ça. Et on en revient à ce que disait l'antagoniste principal du premier et un peu du deux, qui lui disait « Mais moi, mon but, pourquoi est-ce que je t'ai montré, toi, en tant qu'enfant ?» C'est pour que tu en reviennes à cette vision du monde et entre guillemets à cette un peu innocence et primale que tu avais quand tu étais enfant et que tu puisses avoir un nouveau regard sur le monde. Donc effectivement, on peut se dire, tiens, symboliquement, peut-être que là, on arrive dans le 3 et Bayonetta est pleinement en accord avec tout ce qu'elle était, puisque dans le 1, elle était amnésique, donc elle se cherchait. Dans le 2, on va dire qu'elle était encore en phase de construction, bah peut-être que là, effectivement, dans le 3, elle est pleinement elle-même, avec ses amis, avec ses connaissances, avec ses pleins pouvoirs aussi. Et c'est peut-être ce qui explique aussi l'arrivée d'un nouveau personnage, le personnage de Viola, qui elle aussi correspond, ou plutôt ne correspond pas à l'image d'une femme de ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire que ces dernières années, on a eu tendance à voir l'apparition, heureusement, on est content, d'autres avatars féminins. Je pense par exemple à Zarya dans Overwatch ou ne serait-ce qu'à Tracer. Voilà, Blizzard, Activision sont très doués pour ce genre de choses. À des personnages avec des cheveux courts qui sont un peu voire masculins, qui sont musclés, qui sont forts. Et ben là, Viola, voilà, elle a un côté un peu punk rock. Elle a les cheveux complètement. Ouais. Elle a les cheveux en pétard. Elle se bat avec un katana. Elle est au corps à corps à 200%. Et elle a Chouchou. Donc Chouchou, qui se trouve être, si on remonte au Bayonetta premier jeu, le doudou en peluche, le petit chat en peluche de Bayonetta quand elle était petite. Donc, il y a aussi une continuité là-dedans. Dans le 1, elle se revoit enfant. D'ailleurs, au tout début, elle comprend pas que c'est elle-même enfant, vu qu'elle a perdu la mémoire. Elle s'en rend compte un peu après. Elle a ce côté maternel qui ressort. Là, on pourrait se dire également, elle s'est trouvée peut-être aussi dans ce côté un peu mentor, maternel vis-à-vis de Viola. Parce que comment est-ce qu'on pourrait expliquer que Viola se bat avec le chat en peluche de Bayonetta, qui est un démon. Hein. Qui est un démon. Qui est un démon. Qui peut participer au combat, qui peut devenir un démon doudou géant. Un démon doudou. Voilà. Voilà. C'est pas les phrases les plus faciles à sortir comme non. ça. Mais il y a une logique. Hein, voilà. Vraiment. Et finalement, tout est en train de se boucler. Donc, moi personnellement, j'ai hâte de voir la suite. They're homunculi. Man-made bioweapons. Look, we don't have time. If we don't stop them, this world is history. And reality as we know it gets wiped out for good. And what do you expect us to do? I want you to find a scientist named Sigurd. He's somewhere in this world, and he can help us. Do you know a girl named Viola? She sent me to find you. I believe I know why you're here. You're looking for a way to be out of this. Have we met before? I think I'd remember you, Riot Girl. You? Someone seems very interested in our arrival. Is it him? Lesson one. Carelessness will get your tail snipped, Kitty. La bande-annonce de Bayonetta 3. Oui, on est sur des charbons ardents, Olivier Bénis. On est comme ça, là, on est en train de gratter. Oui. Allez, on a entendu Viola, qui effectivement pourrait même sortir directement d'un Devil May Cry. Ouais. Oui, elle a un style qui est à mi-chemin entre Nero et Dante, je trouve, avec le katana et tout ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Peut-être que c'est un clin d'œil aussi. Mais d'ailleurs, parce que on l'a dit, dans Bayonetta 1, elle se bat principalement contre des anges. Dans Bayonetta 2, elle se bat contre des démons. Dans Bayonetta 3, on sait que les adversaires seront des homonculus, des créatures artificielles créées par les humains. Donc en fait, on se rend compte que sur 3 Bayonetta, elle aura fait un doigt d'honneur à absolument toute la société qui compose cet univers. Il restera le purgatoire encore. Ouais, voilà. Mais il y a de l'autre côté Dante, chasseur de démons, Devil May Cry. Et en fait, je suis assez surpris qu'il n'y ait toujours pas eu de crossover avec deux univers qui ont l'air de totalement matcher, correspondre. Mais comment ça se fait que ces éditeurs japonais refusent cet argent facile que ce... Il y a un petit problème de droit, je pense, c'est déjà, ça, de base. Parce que Capcom est quand même très... très près de ses licences. Il lâche quand même rarement des choses là-dessus. Il me semble en plus que je crois que Platinum Games, justement, c'est un de leurs problèmes. Et c'est ce que disait Hideki Kamiya il n'y a pas si longtemps quand il parlait de Project JJ, qui sera son prochain jeu, ou JJ, je ne sais pas comment on prononce, qui disait que ce serait la première fois en fait qu'ils créeraient une licence qui leur appartient. C'est-à-dire qu'ils ont toujours bossé sur des licences qui ne leur appartiennent pas vraiment. Bayonetta, ça appartient à Nintendo maintenant. Devil May Cry, c'est donc Capcom. Donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué juste pour des bêtes questions juridiques. Après, on a vu l'histoire prouve que même dans le cinéma, on arrive à se mettre d'accord entre gros studios pour mettre Spider-Man dans les Avengers. Donc, peut faire un truc comme ça. On n'a pas parlé d'un autre jeu Platinum extrêmement intéressant, même si son tutoriel est bien trop long. Mais si jamais vous avez l'occasion d'y jouer, ne passez pas à côté. C'est Astral Chain sur Nintendo Switch qui est un excellent jeu. Il faut juste lui donner beaucoup de temps avant de rentrer dans le vif du sujet, mais la fin se perd un petit peu. En fait, la force de Platinum Games, ça a toujours été leur gameplay, et en fait, c'est toujours au niveau de l'histoire où ils avaient un peu de mal à avancer. C'est pour ça que Nier Automata était un si gros succès, parce qu'il y avait Yoko Taro derrière, qui est un créateur aussi fou que talentueux, et lui, du coup, ces histoires ont été portées par le gameplay de Platinum Games. Et là, pour Astral Chain, effectivement, c'est vraiment eux qui l'ont fait, on le sent, mais au niveau de l'histoire, ça commence vraiment bien. Et au fur et à mesure qu'on approche de la fin, j'ai trouvé que ça se perdait un peu. Et on n'a pas trop ça dans Bayonetta, même si, sincèrement, Bayonetta, il faut y jouer plusieurs fois pour comprendre le scénario, on va pas se mentir. Parce qu'avec tous ces délires de voyage dans le temps, de personnages qui sont des paradoxes d'autres univers, tout ça, on se perd un petit peu. Mais du coup, voilà, c'est très intéressant Astral Chain, parce que c'est un peu la quintessence de Platinum Game, en mode le gameplay est excellent. En plus, ils ont mélangé plein de gameplay différents. On retrouve le gameplay de Metal Gear Solid Revenge, je sais plus comment il s'appelle. Rising. Voilà. On retrouve justement cette idée de trancher les adversaires dans certains sens et tout. On retrouve, je crois, le bullet time, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on retrouve un peu des clins d'œil de tout leur gameplay un peu fétiche. Mais au niveau de l'histoire, à mes yeux, il y a une idée et ça part un petit peu dans tous les sens à la fin. Et c'est vraiment leur tard, et c'est pour ça qu'ils ont... Je comprends du coup qu'ils aient du mal à avoir des licences qui leur appartiennent à eux, parce qu'ils, pour l'instant, en fait, ils ont un peu cette complication, cette difficulté à faire des histoires qui leur appartiennent et qui sont faciles à suivre, on va dire. Et pour revenir à Bayonetta, il y a notamment un autre personnage. Vous savez, dans tout bon shonen qui se respecte, il y a le héros, et puis il y a son rival, némésis, ami d'un jour, ennemi de demain, et puis voilà, Naruto Sasuke, Goku, Vegeta, etc. Et bien, dans Bayonetta, il y a effectivement Bayonetta, mais il y a Jeanne, l'autre sorcière de l'Umbra, qui est aussi forte que Bayonetta. C'est la seule personne qui peut lui tenir tête dans le 1, en fait. Oui. C'est la seule qui ne perd pas de combat contre elle, il me semble. Ça finit toujours à égalité. Toujours à égalité. Et qui, elle, a les cheveux blancs. C'est ça. Il y a toujours un contraste énorme entre Bayonetta et Jeanne. Elles sont vraiment genre... c'est vraiment le yin et le yang. C'est-à-dire que dans la tenue de Bayonetta, elle est toute en noir, mais on retrouve des pointes de rouge. Jeanne, c'est l'inverse, elle est toute en rouge, mais il me semble qu'on retrouve des pointes de noir. Jeanne a les cheveux courts et blancs, Bayonetta a les cheveux longs et noirs. Il y a toujours cette impression de miroir qui s'inverse dans le 2. Et dans le 3, je crois qu'il y a toujours un petit peu des petites différences à droite à gauche. Mon autre personnage préféré, à part Bayonetta, c'est Jeanne. Je suis sûre que tous ceux qui ont joué à des jeux de Monsieur Kamiya savent qu'il est très fan de la couleur rouge. Et vu que la couleur du design de Bayonetta était déjà finalisée et que c'était le noir depuis le début, il m'a dit de faire en sorte que Jeanne soit grande et flashy avec une silhouette bien marquante et de lui donner une tenue rouge vif qui contraste directement avec celle de Bayonetta. Je dois dire que ça ne m'a pas pris longtemps pour finir son design. Et oui, donc le design de Jeanne qui est personnage très très important et qui finalement on sait que c'est son ami, mais je me suis toujours demandé si depuis le début, je sais que le Japon est très très frileux pour tout ce qui est histoire d'amour. C'est sa romance. C'est sa romance. On est d'accord. Non, mais oui, bien évidemment. C'est juste qu'effectivement, ils peuvent pas, peut-être pas l'assumer 100%, mais il y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, la seule et unique fois dans le Bayonetta 1 où Bayonetta a besoin qu'on la sauve, c'est Jeanne qui arrive et absolument pas Lucas. Lucas essaye désespérément de draguer Bayonetta, mais il est un univers derrière elle. Et au final, la seule personne qui est à la hauteur de Bayonetta, qui est digne de Bayonetta, c'est Jeanne. C'est la seule personne qui rivalise avec elle. Et c'est pour ça cette idée de dépendance, de yin et yang dont je parlais tout à l'heure, à chaque fois que Bayonetta a besoin d'aide, c'est toujours Jeanne qui vient la sauver ou qui vient l'aider, et inversement, quand Jeanne a besoin d'aide, c'est Bayonetta qui y va. Et du coup, il y a cette idée de les deux sont vraiment complémentaires, elles ont besoin l'une de l'autre en vrai, parce qu'elles sont un peu les deux dernières sorcières. Et pour moi, il y a absolument aucun doute qu'elles sont dans une relation qui va bien au-delà de l'amitié, de toute façon, et le jeu nous le sous-entend. Donc en fait, sororité de sorcières. Une part forte donnée à l'amour entre deux femmes. Bayonetta, c'est Mona Chollet avant même que Mona Chollet ait sorti son livre. En fait, c'est on peut schématiser comme ça. En fait, pour moi, c'est un peu toute la dichotomie. Non, je peux pas me permettre de dire ce genre de mots. Je suis même pas sûre de la description. C'est pour ça. C'est toute la Ce qui est intéressant avec Bayonetta, c'est que on pourrait se dire c'est un jeu extrêmement féministe, donc les gens qui l'ont fait sont extrêmement féministes. Et ben en fait, personnellement, je ne pense pas qu'Hideki Kamiya soit un très grand féministe, surtout quand on voit leurs autres jeux où les personnages féminins sont extrêmement sexualisés. Il suffit de regarder Nier Automata, Astral Chain aussi, hein, tu regardes le personnage principal masculin, oui. Okami aussi, genre les femmes sont toujours hyper sexualisées. Et en fait, Bayonetta, pour moi... Échappé. Non, en fait, justement là, je suis obligée de parler de la création de Bayonetta, mais en gros, comme tu l'avais dit, les beat'em up, c'est un univers très masculin. Il y avait que des héros au début. Il y avait que des personnages masculins. Et Hideki Kamiya, quand il est arrivé en disant bon, il faut qu'on fasse un beat'em up, qu'est-ce qu'on peut faire pour être différent des autres, il s'est dit bah nous, on va faire une femme. Mais en fait, ils se sont très vite rendu compte qu'ils pouvaient pas juste arriver et faire une femme qui ressemblerait aux autres. Il fallait qu'elle soit au-dessus. Et en fait, pour eux, il fallait vraiment trouver un moyen de faire en sorte que Bayonetta soit au-dessus de tout le monde. Il fallait faire quelque chose qu'on n'ait jamais vu. Et du coup, bah, d'un certain côté, merci à tous les développeurs de jeux vidéo d'avoir fait des personnages féminins creux et bêtes et pas très intéressants, parce que du coup, eux, ils se sont dit, bah, nous, si on veut faire un personnage féminin, on est obligé de faire un personnage féminin qui change, un truc qu'on n'a jamais vu. Et donc, on va pas faire une meuf vaguement sexy qui est là de temps en temps. On va faire une dominatrice qui est en contrôle permanent, qui est ultra méga sûre d'elle, qui n'a besoin de personne. Et en fait, c'est un peu genre de la chance et un hasard que le jeu soit aussi féministe, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui était dans la volonté de départ des créateurs, mais c'est juste que, vous savez, il y a toujours un moment où le personnage finit par exister tout seul et on est obligé de suivre. Et en fait, dans la création et dans ce qu'ils espéraient pour Bayonetta, ils ont tellement voulu en faire quelque chose de différent, quelque chose de supérieur à ce qu'on avait déjà vu, qu'il fallait aller dans ce sens de, bah, on peut pas faire une femme en détresse. Et si elle est en détresse, il faut pas qu'elle soit sauvée par un homme, parce que ça a déjà été vu. Et on peut pas faire une femme qui est juste belle et pas très intelligente. On est obligé de faire les deux parce que ça a déjà été vu sinon. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est en se disant, bah, il faut qu'on fasse ce qui a jamais été fait. Bah ouais, ce qui avait jamais été fait. C'était un personnage féminin vraiment intéressant avec un caractère incroyablement fort, qui soit extrêmement sexy et qui utilise sa féminité sans se faire rabaisser. Je veux dire, les rares personnes qui essayent vaguement de faire sentir à Bayonetta que, oh là là, quand même, tu te mets à poil et dans des positions sexy, ils finissent, mais dans un état terrible, terrible. Donc voilà, en fait, pour moi, le jeu, oui, il est extrêmement féministe et c'est incroyable et c'est trop cool, mais je ne pense pas que c'était une volonté des créateurs, et c'est pour ça que des fois, on se retrouve justement avec des choix qui nous laissent un peu dubitatifs, notamment les publicités pour vendre Bayonetta au début. C'est pour ça qu'elles étaient aussi bizarres, parce qu'en fait, eux, ils étaient vraiment dans l'accès. Oui, regardez, on a une femme sexy et tout, et pas dans l'accès. Ouais, mais attendez, on est plus qu'une femme sexy. Eux, ils étaient restés un peu dans le bas du truc. Et c'est pour ça que même dans le jeu, il y a des moments un peu bizarres. Par exemple, Bayonetta qui fait du pole dance sur les anges pour les humilier. Ça, c'est normal, ça correspond à son personnage. Bayonetta qui fait du pole dance juste pour les yeux du joueur quand il a fini le jeu pour lui dire bravo, t'as fini le jeu, je suis ta récompense, c'est ultra problématique parce que voilà, ça correspond pas du tout à... On fait un pas en arrière en fait, et c'est ça qui est dommage. Mais c'est pour ça en fait qu'on trouve ce genre de contradiction même dans le jeu et dans la façon dont est vendu le jeu. Je pense pas que les créateurs du jeu soient féministes, mais effectivement le jeu, par ce qu'il voulait être, c'est-à-dire vraiment un personnage féminin qu'on n'avait jamais vu, est parti dans cette direction et devait aller dans cette direction. Et ça notamment, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus prégnant sur le premier. Mais une fois que Nintendo a récupéré le bébé et a assuré le développement de Bayonetta 2 et de Bayonetta 3. J'ai l'impression que Nintendo étant une entreprise plus familiale et ayant aussi une vision internationale peut-être un peu plus poussée, j'ai l'impression que ça a été légèrement, pas fondamentalement modifié, mais ces excès ont été un petit peu calmés pour regarder juste la sève de ce qui avait intéressant. C'est dans, ça. Et d'un côté, c'est bien parce que du coup, l'hypersexualisation qu'ils pouvaient utiliser des fois sur Bayonetta qui n'avait pas de sens, comme j'avais dit, le pole dance à la fin du jeu pour récompenser le joueur, bon, c'est pas terrible. Ça, du coup, c'est le genre de truc que Nintendo peut arriver et dire bon, ça, on n'en a pas spécialement besoin. Et d'un autre côté, bah, du coup, ça oblige un peu les créateurs à trouver d'autres moyens de quand même vouloir faire sortir cette hypersexualité de Bayonetta en restant tout public, family friendly. Et du coup, moi, je trouve ça super intéressant et c'est peut-être pour ça, du coup, dans le 3, qu'elle enlève plus ses vêtements quand elle invoque des démons. Et on pourrait se dire, bah, c'est dommage, c'est de la ceinture, mais pourtant, quand on y réfléchit, ben, le fait qu'elle ait même plus besoin d'enlever ses vêtements pour invoquer des démons, pour moi, ça veut juste dire qu'elle est devenue encore plus puissante. Donc, il y a une forme de logique qui peut se trouver là-dedans, et je pense pas que ce soit un mal, en fait. Je pense qu'il y a vraiment de l'imagination à sortir de ça. Mais c'est marrant parce que ce que tu dis me fait penser à la genèse, en fait, et à la création de Tomb Raider, où à la base, les créateurs avaient envie de faire un pur plagiat en jeu vidéo d'Indiana Jones, sauf que faire un archéologue explorateur trop badass et trop puissant qui va taper des crocodiles et des brigands et dans des ruines, c'est bizarre, c'était déjà fait, ça posait un petit peu problème. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier à ce problème? Si on changeait de sexe le personnage principal et si on en faisait une femme, une femme quand même aux formes généreuses, hein, parce que faut pas, hein, surtout à cette époque on n'en était pas encore aux élucubrations féministes d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça que Lara Croft est née, et c'est comme ça que aussi il y a eu des écarts dans les opus, dans certains opus par la suite, où on a eu une légère rétrogradation de ce problème, enfin de cette féminité de Lara Croft. Mais dans l'optique, c'est ça. En fait, on a voulu, Bayonetta est née d'une réaction à il nous faut un truc différent et non pas de l'idée. Je veux une nana qui symbolise l'empowerment féminin. Et en fait, moi, par contre, là où je suis pas d'accord, mais on aura peut-être la réponse dans le 3, j'ai hâte de savoir aussi, c'est que je pense pas qu'il y ait une histoire d'amour entre Jeanne et Bayonetta, parce que, ou du moins, moi, j'en serais un peu déçue, parce que je trouve qu'on retomberait, entre guillemets, quelque part dans un autre cliché où finalement, bah, une femme forte, une femme puissante, une femme machin, elle a à ce point pas besoin des hommes qu'elle devient lesbienne. Qu'elle devient lesbienne. Oui. En fait, moi je pense qu'effectivement il y a un amour très profond entre Jeanne et Ceresa, de son vrai nom, mais qu'il est soit une amitié vraiment vraiment très fusionnelle, très fusionnelle, en fait, ouais. Voilà, c'est ta bestie, sa besta comme vous voulez, c'est sa sœur même, enfin c'est oui, c'est un petit peu similaire au genre de bromance qu'on peut trouver dans les films de Bollywood, ouais. Comme on l'a vu dans Triple R notamment, à la vie à la mort, c'est ça. Moi ça me fait penser, alors je suis un peu vieux jeu, mais en ce moment je suis en train de me refaire la série des Supernatural. Ça me fait un peu penser à la relation fusionnelle des deux frères, Sam et Dean, voilà, qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et quand il y a un pépin chez l'un, c'est forcément l'autre et rien d'autre ni personne que l'autre qui va venir à sa rescousse. Et effectivement, elles se nourrissent l'une l'autre. Je n'ai pas vu dans le 1 de geste ou quoi que ce soit qui soit potentiellement une romance. Il n'y a aucun geste d'amour ou rien. Mais par contre, effectivement, tour à tour, elles se prennent l'une et l'autre le rôle de sauveuse, de femme en détresse, mais uniquement entre elles, sans arrêt. Après, leur complémentarité, bah, c'est ce qu'on verra dans le 3. Est-ce que ça en arrive à la romance? Je sais pas, parce que... Je pense qu'ils resteront toujours évasifs. Oui, ils peuvent pas se permettre de donner des signes précis, en fait. Je pense qu'ils resteront évasifs. Voilà. Mais moi, ce qui m'interroge aussi là-dessus, c'est que, par exemple, dans sa relation à Luca, à son chouchou, comme elle l'appelle, Ceresa ou Bayonetta, elle est aussi très... Il y a des fois, elle est un peu entreprenante avec lui. Il y a des scènes où, quand elle le sauve, à un moment, parce qu'un pilier tombe, elle va se coller à lui, elle lui met sa poitrine dans le visage. Alors, effectivement, c'est pour rendre Luca un petit peu, pour le décrédibiliser, parce que lui est complètement sous son charme, mais elle va lui envoyer des bisous, elle va être légèrement, c'est discret, hein, mais légèrement séductrice vis-à-vis de lui. Et ça, ça m'interroge. Je me dis, est-ce que vraiment un personnage... Ah, moi, je pense que c'est... mon interprétation, mais je pense que c'est vraiment parce que ça l'amuse. Oui, elle joue un peu avec... Parce que Lucas, c'est le joueur. Enfin, il incarne le joueur à c'est ce moment-là. C'est ça, un petit peu bêta et bené en mode... Imaginez une seule seconde qu'il a ses chances avec elle. En plus, dans le 1, il est présenté comme ce grand séducteur. Dans le 1, la première fois qu'on le voit, il offre une fleur à une jeune fille. Et du coup, on se dit que c'est le mec, il est pas habitué à recevoir des râteaux. En se cassant la figure, cela dit. C'est vrai. Mais tu sais, genre, il y a quand même cette idée de, il a offert la fleur et la fille, elle est en mode, ils disent un peu, c'est un homme à femme, tout ça, puis il arrive, il y a Bayonetta et jamais il l'aura, tu vois. Il y a un peu cette idée de. Il se prend un mur dans la tête avec elle, c'est assez radical. C'est ça. Mais moi, par exemple, je serais assez satisfaite de voir que Bayonetta est sexualisée, qu'elle est, elle overkill, entre guillemets, tout, mais qu'elle a pas besoin de romance, du tout, avec personne. Genre, elle se suffit à elle-même. Ça, j'en serais hyper contente. Et je trouve que ce qui la rend forte, et moi, ce qui m'a émue, c'était pas une histoire d'amour, en fait c'était effectivement sa relation avec à chaque fois un personnage enfant. Dans le 1 c'est elle petite, dans le 2 c'est un enfant qui s'appelle Aesir, mais voilà, c'est le petit Loki Aesir, c'est cette relation à la maternité qui personnellement m'a fait découvrir une autre facette de Bayonetta et qui j'espère aussi ressortira avec Viola dans le 3. Now, why did you have to go and do that, little one? Wake up. Damn it. Wake up! Enough jokes. Wake up! You can't let kids' jokes make you that mad. And what about you? Do you really think it's safe to play dead with someone who can make you dead? Men like to gamble, love. Risking everything for nothing. Seems about right. I know another little boy just like her. Sounds like my kind of guy. Maybe a bit of a pervert, though. Eh bien voilà, on vient d'entendre Loki, un extrait de Bayonetta 2. Et Bayonetta qui, entre-temps, depuis ce premier opus, est devenu éminemment connu via un jeu qui n'est pas son jeu, mais qui est tout simplement Super Smash Bros. Parce que c'est un des personnages de Super Smash Bros. Et ce qui est complètement fou, c'est de se dire que il y a plus de gens sûrement qui connaissent Bayonetta via Super Smash Bros, que via son jeu, les chiffres de vente. Certainement, parce que les chiffres de Super Smash Bros sont largement supérieurs à tout ce qu'ont pu faire les deux Bayonetta pour l'instant. C'est assez commun dans les Super Smash Bros. Moi, par exemple, Marth, je savais même pas qui c'est, alors que je suis une très grosse fan de Fire Emblem. J'ai dû aller chercher que c'était un ancien perso qu'on avait eu en France, mais tardivement, tout ça. Donc oui, c'est assez fréquent au final. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est bien, tant mieux. Comme ça, ça participe à la faire connaître encore plus. Oui, et d'ailleurs, est-ce que ça a eu un impact sur le développement de Bayonetta 3, le fait que tout d'un coup entre les deux il y a eu Super Smash Bros, le fait que les gens se soient familiarisés avec elle? Sans doute, pas forcément sur le développement, parce que je pense que ça, ils sont assez préservés. Nintendo, globalement, préserve pas mal les développeurs avec qui ils travaillent. Ils les laissent faire un petit peu, enfin, pas forcément ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils les laissent travailler tranquillement. Mais par contre, pour la popularité du personnage, oui, ça va peut-être jouer. C'est-à-dire que du coup, on a bien vu que, même par rapport à Bayonetta 2, quand il est sorti sur Switch, du coup, c'était un port de la version Wii U. Il y a eu une petite communication autour, mais on sentait bien que ça s'adressait à une base de fans. Là, on a vraiment l'impression que sur Bayonetta 3, ils ont un peu sorti un peu plus l'artillerie lourde sur la promo. Il y a eu des Nintendo Direct dans lesquels les trailers sont arrivés. D'ailleurs, je crois qu'ils ont ressorti une version physique de... Ouais, collector et tout, ouais. Oui, des premiers également. Hein. Des deux premiers, oui. Oui, c'est ça, ouais, avec version physique pour les deux, je sais pas. Il y avait qu'une version téléchargeable pour le premier et ils sont sortis. Mais oui, du coup, on sent qu'ils ont et c'est bon signe, c'est que le fait d'avoir intégré Smash Bros, déjà quand on est dans la grande famille Nintendo, ça veut dire quelque chose, ou même dans la famille du jeu vidéo, Smash Bros, c'est poursuivre un petit peu pour les gens qui connaissent pas du tout, c'est le Hall of Fame, enfin c'est vraiment la compile des meilleurs personnages de jeux vidéo. Au départ, c'était vraiment que les personnages de Nintendo, depuis ça s'est vraiment vraiment étendu. On a Sonic dans Smash Bros, on a Solid Snake dans Smash Bros, on a Kirby, voilà, tout personnage un peu connu doit finir de Kingdom Hearts. Désormais, oui. Cloud de quoi, pardon? Kingdom Hearts. Voilà, parce que quand on, quand oui, c'est mon anglais formidable. Kingdom Kingdom Hearts. Bref, les royaumes. Je m'attendais à un accent à la Bayonetta, c'est pour ça. L'accent british. Mais non, c'est bien. C'est-à-dire que c'est un signe de reconnaissance qu'elle soit dans Smash Bros. Et ça va aider forcément, je pense, au niveau des ventes du 3 et peut-être même du 2 et du 1, avec un peu de chance. Et d'ailleurs, si on devait conseiller aux auditeurs, parce que voilà, souvent les gens me disent, mais oui, mais vous avez parlé d'un jeu, moi ça m'intéresse vachement, mais où on le trouve, sur quelle version, que conseiller aux auditeurs qui voudraient s'essayer à ce sublime personnage qu'est Bayonetta? Alors c'est facile, si vous avez une Switch, vous avez le choix entre le 1 et le 2, si vous n'avez pas de Switch, vous n'avez le choix qu'entre le 1 et le 1, puisque c'est le seul épisode qui est dispo ailleurs, sauf si vous avez une Wii U évidemment, mais le 1 est ressorti en version remasterisée, notamment sur PC, qui est une très très très très bonne version, vraiment bien optimisée et tout ce que vous voulez. Donc selon la console sur laquelle vous êtes, vous aurez ou non le choix. Si vous êtes sur Switch et que vous hésitez entre les deux, j'aurais tendance à conseiller de le faire dans l'ordre quand même pour suivre un petit peu la chronologie de l'histoire. Mais même si le 2, ils ont tous les deux très bien vieilli, je trouve que le 2 est peut-être un petit peu plus accessible et un peu moins... Enfin, ça dépend ce que vous aimez, mais si, il est un peu moins sombre aussi. Il a un côté plus coloré, plus funky, Nintendo. Oui, voilà, il y a vraiment des couleurs un peu flashy, c'est plus sympa à jouer. Ça reste des jeux, vous allez pas faire jouer à votre petit dernier de 6 ans, ça c'est sûr. Mais si vous voulez vous y mettre, on peut commencer comme ça. Voilà. Et c'est plus facile, je trouve, d'accès qu'un Devil May Cry, par exemple. Oui, mais oui. Ça, c'est après, une question de point de vue. J'ai vu que justement en ce moment, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais qu'il était entre guillemets à bas prix, je crois une dizaine d'euros sur la PlayStation 4 pour ceux qui n'auraient pas la 5. Et puis de toute façon, je ne sais même pas s'il est dessus. Et il y a un pack où il y a carrément les deux jeux maintenant sur la Switch. Et bien sûr, il y a tout le pack qui va sortir pour Bayonetta 3. Mais c'est vrai que c'est assez facile de le trouver. S'il y a une Switch, c'est mieux, tant qu'à faire. Oui. C'est facile et surtout, ça vaut le coup. Et tant qu'on est aux recommandations, on a beaucoup parlé de Nier Automata, mais on n'a pas suffisamment dit jouer à ce jeu. Oui. Il est incroyable. Il vient de sortir sur Switch, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Vous allez avoir à la fois le côté science précise du beat'em all à la Platinum Games, c'est vraiment un jeu très agréable à jouer. Et même plus, du shoot'em up, parce qu'il y a une dimension très forte. Et c'est un jeu incroyable, vraiment. On parlait de Yoko Taro aussi. Il faut savoir, pour situer pour les gens, Yoko Taro, c'est quand même un mec qui fait des interviews avec un énorme casque deux fois plus gros que ceux des Daft Punk sur la tête systématiquement. Alors, Olivier Vinis, vraiment, on ne s'est pas concerté pour cette transition, mais c'est peut-être le moment d'annoncer qu'un blockbuster sur Nier Automata est en gestation. Je n'étais pas au courant. Il va y en avoir des choses à dire. Hein, parce que, d'ailleurs, si je peux me permettre aux auditeurs qui n'auraient fait ni l'un ni l'autre, commencer par Bayonetta. Entre les deux, la dimension sociologique et psychologique de Nier Automata est quand même bien moins accessible que celle de Bayonetta, où même si l'histoire est entrecoupée de flashbacks, d'ellipses, etc., ça reste quand même compréhensible, il faut être un peu concentré, mais ça va. Nier Automata, pour saisir l'entièreté des enjeux et du scénario, vraiment il faut être concentré et il faut du temps. Il faut être de bonne humeur. Oui, aussi, il faut pas être dépressif. Il est plus dur, Nier Automata. Je parle pas de gameplay, au niveau des thèmes qu'il emploie, que c'est très sombre, mais ça, Yoko Taro, depuis Drakengard, déjà, Drakengard, je l'ai eu dans les mains quand j'étais très jeune, et je pense que ça m'a traumatisé. Tu vois, toi, c'était Resident Evil. Moi, c'est vraiment Drakengard qui m'a traumatisé. Au niveau de l'ambiance, l'ambiance était. Enfin, en fait, c'était terrible parce que c'était un jeu passionnant. L'univers était passionnant, mais ce qui arrive au personnage est terrible. Terrible. Et c'est pas un jeu qu'il faut montrer aux enfants. Mais bah, écoutez, on y a eu droit. Et encore aujourd'hui, il y a certains visuels de Drakengard 1 qui me hantent personnellement. Ouais, et bien voilà, la boucle est bouclée. Comme fini sur des traumatismes, ça fait toujours plaisir. Mais qui nous donne le sourire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, ça m'a inspiré. C'est bien. C'est la fin de cette émission. Nathalie, Justine Boulanger, Olivier Bénis, merci beaucoup d'avoir évoqué la grande sorcière de l'Ombra, Bayonetta. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, et jouez à Bayonetta si vous en avez l'occasion. Vraiment, vraiment, laissez-vous gagner par cet univers, c'est formidable. L'émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne, elle a été préparée par Benjamin Ducy, et aujourd'hui, on remercie Paola Colin à la technique. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. On se retrouve dans 3 semaines pour un tout nouvel épisode. À bientôt. Don't fuck with a witch. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.